Présentons aussi notre pays à notre Seigneur. Répandons, présentons notre pays devant notre Seigneur. Qu'il pardonne nos abominations. L'abomination des Camerounais en général. Lui, son pays, il détourne son regard de nos péchés et qu'il nous visite. Nous avons besoin que notre Seigneur nous visite et qu'il marche au milieu de nous comme il a promis et qu'il nous éclaire et que nous marchons à sa lumière afin que nous croissions dans l'espérance qu'il nous a appelés. Amen. Présentons le Cameroun devant le Seigneur. Supplions-le de pardonner. Depuis le chef d'État jusqu'au dernier citoyen camerounais. Du dernier jusqu'au chef d'État. Présentons-le devant le Seigneur. Père miséricordieux et compatissant, ce moment merveilleux que tu nous accordes et par ton esprit, tu nous enseignes, tu nous révèles ce qui est bon pour nous. Ce qui empêche le reste de ta voix de te répondre. C'est afin que, oh Dieu, nous le présentons au devant de toi, bien que tu le connaisses. Père, nous avons notre force à cause de ton plan, car nous savons que la miséricorde est auprès de toi. C'est auprès de toi que nous avons la miséricorde. C'est auprès de toi que s'obtient le pardon. C'est auprès de toi, oh Dieu, que sortit la grâce et la compassion. C'est toi seul, oh Dieu, Jésus-Christ, qui console les cœurs. C'est toi, oh Seigneur, qui te fait maître et souverain, qui te fait avocat au Père pour intercéder en notre faveur, pour nous secourir dans nos besoins, dans nos faiblesses. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons, nous avons faim et soif de toi, nous voulons te voir marcher au milieu de nous, nous fortifier, oh Dieu, nous éclairer par ta lumière sainte et nous donner une paix comme celle que tu as donnée aux disciples. Lui, et nous donner un amour fraternel les uns les autres, un amour ardent, Seigneur, loin de l'hypocrisie. Loin des railleries, ô Père, nous voulons être un peuple saint, mis à part et que toi seul tu sois au milieu. Mais à cause de nos abominations, à cause du pays, ô Dieu, que par ta grâce tu nous as fait naître dans ce pays, à cause, ô Père, de nos chefs d'État, de nos conducteurs, ô Père, des autorités que tu as établies, Seigneur, au milieu de nous, afin de nous guider, afin de nous instruire, à cause d'eux, ils ont péché contre toi. Et nous aussi, nous avons péché, car ils nous ont dit tous en erreur, et nous tous, nous sommes en erreur. Mais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous savons qu'aucun péché n'est au-dessus de ta compassion. Aucun péché n'est au-dessus de ta miséricorde. Aucun péché, ô Dieu, n'est au-dessus de ton amour. Ton amour couvre les péchés. Ton amour compatit. À cause de ton amour, ô Père, tu uses de grâce, tu pardonnes les iniquités. Veille, ô Dieu, juste et saint, nous pardonner. Depuis notre prince, ô Père, notre chef d'État, jusqu'au dernier citoyen camerounais, nous sommes des pécheurs. Veille nous pardonner, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te le supplions, Père, avec les larmes dans les yeux, avec un cœur vraiment blessé, Seigneur, à cause de ce que tu ne te présentes pas au milieu de nous. Tu ne nous fortifies pas, tu ne nous conduis pas comme tu devrais le faire, ô Seigneur. Mais à cause de ton amour, veille nous pardonner. Pardonne à notre chef d'État. Pardonne à toutes les autorités, ô Père, que tu as établies au Cameroun, afin qu'ils guident et conduisent ton peuple. Veille les pardonner jusqu'au dernier citoyen. Pardonne depuis le dernier citoyen, Père, jusqu'au premier, jusqu'au chef de l'État, afin que, Père, l'église de ta grâce abonde à notre faveur. Père, c'est auprès de toi que sortira la miséricorde. Que ta miséricorde vienne sur nous. Que ta grâce soit les nôtres, abonde dans notre vie. Compatis à nos faiblesses, Père, compatis à nos faiblesses. Compatis, ô Dieu, à nos faiblesses. Et visite-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Viens, Seigneur, et marche au milieu de nous. Viens, Père, et enseigne-nous des cantiques nouveaux. Viens, Père, donne-nous un cœur que nous te célébrons dans ce cœur, lui, afin que ce pays, afin que tous les citoyens se prosternent et adorent ton merveilleux nom. Oui, car toi seul, tu es digne d'honneur, tu es digne de louange, tu es digne d'acclamation, Père, tu es digne d'être glorifié. Mais Seigneur, il n'y a que toi pour marcher au milieu de nous, afin de te glorifier dans notre vie. Nous avons faim et soif de toi. C'est pourquoi nous te supplions de pardonner nos fautes, de pardonner nos transgressions, de pardonner nos iniquités, de pardonner nos offenses. Effacez cela devant la Seigneur, on n'est plus t'en souvenir. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci Dieu juste et saint. Merci Père de toutes les prières que tu as permis en ce jour que nous élevons vers toi. Merci Papa. L'honneur et la gloire te reviennent. Dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Veuillez vous asseoir, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous saluer les uns les autres. La dernière fois, nous avons vu le sujet. Quel était le thème que nous avons vu la dernière fois, mon cher? Tu étais là mercredi. Qui était ici mercredi? Tu étais là mercredi, mon frère. Tu étais mercredi. Quel est le sujet que nous avons vu? Nos faiblesses doivent nous conduire à Christ. On va voir la suite de cela aujourd'hui. Et voilà la suite de cela. Il faut qu'on en finisse avec, parce que on est en train de construire quelque chose. Si vous n'avez pas été là mercredi, on va faire un bref résumé là-dessus. Nos faiblesses, en fait, que vous l'admettez ou non, beaucoup de personnes passent par beaucoup de faiblesses. Et le plus dur de cette chose-là, ce sera de reconnaître d'abord ses faiblesses. Quand tu ne reconnais pas, comme je dis la semaine dernière, quand tu ne reconnais pas tes faiblesses, ce sera difficile que tu aies quoi, de remettre contre cela. Et c'est effectivement, c'est ce que je vois dans le monde entier, avec tous les emails que je reçois. Je vais en lire quelques deux ou trois. Je vais lire quelques deux ou trois emails des différentes personnes que je reçois. Il y a des emails où vous recevez, on peut en couler les larmes, parce que si vous ne voyez pas le mal que le corps de Christ est en train de recevoir, c'est-à-dire que l'Église est en train de recevoir. Et quoi, préparez-vous là. La dernière fois, j'ai donné 1 Corinthiens chapitre 3, les 5 premiers versets. Hébreux chapitre 5, les 5 premiers versets également, n'est-ce pas? Le livre de Galates chapitre 5, verset 16 et suivant. Vous allez m'encombrer la main avec le téléphone là maintenant. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 5. J'ai donné cela. J'ai donné également Galates chapitre 5. Les versets 16 à 22. Et puis, j'ai demandé que vous notiez également Romains chapitre 8, verset 1 à 14. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, on va avancer. Donc, je suis en train de dire, il faut qu'on comprenne ces principes-ci. Les faiblesses de nous, croyants, ne devraient pas nous pousser à fuir le Seigneur, mais devraient nous conduire encore vers le Seigneur. Pour qu'on comprenne que le Seigneur se révèle dans nos faiblesses. Il faut que vous preniez, vous ne pouvez pas savoir. Lorsque vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, vous comprenez quand il dit les soucis que l'Église lui donne chaque fois. Frère Achille, ta question, j'ai mis en suspens parce que c'est lui qui va répondre cela. L'un des anciens de l'Église qui va répondre à sa question. C'est bien, comme tu as posé la question, il n'était pas là. Ce qui fait qu'il n'ait pas le temps de réfléchir. Donc tout à l'heure, quand on va finir l'enseignement, il va le piper comme ça. Il dit, frère Achille, pose encore la question. Tu vois, parce que si on pose là, il va réfléchir en attendant. Donc, mais je sais qu'il y a encore des questions là-bas. Je vais essayer de faire un briefing là par rapport à la semaine dernière pour ceux qui n'avaient pas été là pour nous mettre au pas avant qu'on avance aujourd'hui. Nous avons vu que, je ne sais pas de quoi nous parlions, et puis j'ai parlé de nos faiblesses dans nos conduits à Christ. Donc, très souvent, quand les gens ont des péchés dans leur vie, vous voyez, beaucoup de personnes essayent de résoudre leurs problèmes de péché, ne parviennent pas à résoudre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient le Seigneur. C'est la mauvaise posture qu'il ne faut pas avoir. Et c'est ce que Satan veut que nous fassions. Et malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans ces pièges. Et là, la semaine dernière, j'ai posé la question, si donc c'est le Seigneur qui est celui qui ôte dans le fardeau, si c'est celui qui porte le fardeau, si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui résout le problème du péché, et il l'a effectivement résolu. Si tu fuis dans le Seigneur Jésus-Christ, tu vas partir donc chez qui? Qui est censé résoudre alors? Il n'y a personne en dehors de lui. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 5 que c'est lui qui est digne d'ouvrir le livre parce qu'il a versé son sang. Ce n'est pas ça. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre solution. Mais le problème c'est que nous avons le conflit entre notre cerveau, notre intellect avec les esprits. Quand tu commets une erreur, tu as perçu des faiblesses devant le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Satan commence à bombarder ta pensée. Tu dis que tu es enfant de Dieu, non? Regarde ce que tu fais. Tu dis que tu es enfant de Dieu, non? Regarde ce que tu fais. Ce n'est pas... Il y a des choses qu'il peut dire, ça peut choquer. Ce n'est pas le statut du péché. Ce n'est pas le statut du péché qui fait que tu sois enfant de Dieu ou pas. Il faut qu'on se comprenne là-dedans. Le statut du péché rompt la communion avec lui. Je ne sais pas si il me fait comprendre. En fait, c'est ça qui fait justement, et c'est même la bonne réaction, c'est ça qui fait justement que quand tu as cette faiblesse, quand tu commences à pécher, tu veux fuir. Parce que tu sais que la communion n'est pas n'est pas bon. Cette réaction montre clairement que la communion a été touchée. Mais je dis, la nature de l'enfant de Dieu ne change. Je veux que vous compreniez. En fait, dans votre Bible, vous lisez dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 10 et suivant, l'histoire le fils prodigue. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Si je vais vite et que c'est le rapide, vous me dites, j'ai ralenti. C'est vrai qu'il y a des gens qui écrivent là-bas pour me donner des leçons, les musulmans, parce que je les ai touchés. Mais là, je ne me laisse pas faire également. Vous voyez, je ne me laisse pas faire. Quand quelqu'un veut, je lui donne 250 volts. Quand les gens viennent pour comprendre comme ceci, je suis prêt et je suis prêt à me sacrifier pour tous ceux-là qui veulent connaître le Seigneur, qui veulent connaître le Seigneur de la bonne manière. Donc, dans ce livre de Luc, chapitre 15, verset 10 à suivant, le Seigneur Jésus parle, c'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est lui qui donne cette parabole. Il parle de fils prodigue. C'est un enfant un enfant et son père. Il a des problèmes avec son père. Il prend son argent, il part bousiller. Le fait qu'il ait pris son argent avec son père, discuter avec son père, juste parce qu'être en désaccord avec son père ne change pas le fait qu'il soit l'enfant de son père. On est d'accord? Le fait qu'il soit allé dans la boue, aller voter dans la boue, manger avec les prostituées, faire ceci, ça ne change pas son nature de l'enfant de ce papa-là. C'est qui est, c'est qu'il a un problème avec son père. C'est pour ça que vous allez voir en Israël, lorsque Dieu fait sortir les Juifs d'Israël, de l'Égypte, pour les traverser jusqu'au niveau de l'île, comme vous appelez ça, jusqu'à Canaan, en plein désert, ils vont confronter Dieu dans toute sa souveraineté. Confronter Dieu, confronter Moïse. Quand Moïse donne la viande, on dit Moïse, un grand prophète. Quand il monte, Dieu un peu, il y a la soif, là, on dit que cet homme-là. Donc maintenant, un prophète, le lendemain, cet homme. Que cet homme, nous ne savons même pas ce qu'il est devenu. Tu ne te souviens pas des concombres qu'on avait en Égypte là-bas? Les poissons brisés, depuis que tu es en crise, tu as joué qui est en train de là. Le gars là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc, c'est la nature humaine qui nous pousse à faire comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Je veux que vous compreniez. Chaque fois, je prends les images dans l'Ancien Testament pour essayer de présenter ces choses aussi clairement. Lorsque Dieu fait sortir les Israélites du pays de l'Égypte, pour les faire entrer dans la terre promise, il savait que la nature humaine est entachée avec les choses qu'il aura eu à vivre dans le social. Il y a des gens que peut-être il est né, il a vu son père mourir. Ça a créé un traumatisme à l'intérieur. Il grandit avec ce traumatisme. D'autres personnes qui ont grandi dans un foyer où le papa tapait sur sa maman de telle scène que la personne dit que non, je ne veux plus voir les hommes à côté de moi. La fille dit, je ne veux plus épouser les femmes parce que ça a créé un traumatisme à l'intérieur. Jusqu'à ce que le Seigneur guérisse cela. Aujourd'hui, les psychologues ont trouvé des tactiques pour pouvoir entrer dans l'homme intérieur par l'hypnose. On te balance les choses, tes yeux font comme ça. On dit que pour entrer dans ton passé, pour pouvoir résoudre le problème. C'est la technique diabolique pour pouvoir toucher l'esprit des gens. Quand le Seigneur entre et résout le problème qui est à l'intérieur, ces choses-là qui a contracté dans notre esprit, par suite des événements que nous avons vécu dans le monde, il y a la restauration totale et parfaite. Vous me suivez? Donc le Seigneur Jésus-Christ, donc le Seigneur Dieu du ciel, en sortant les Juifs de Deutéronome, il a dit, Jésus vous a fait passer affreux désert. Comment Dieu qui aime fait passer dans un an? Il dit, c'est lui qui appelle le désert affreux. Il fait disparaître les gens, c'est pas vrai? Il fait disparaître les gens, c'est-à-dire qu'il peut te porter, te mettre quelque part. Lui-même, il envoie son serviteur, un vieillard. Il tape ses côtes comme ça, lève ton manche, il mange. Il dit marche. Le gars marchait 40 jours, 40 nuits. Tu as un viande dans le désert. Tu pars la nuit. Je m'en vais. Il arrive là-bas, il lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est encore lui qui pose la question. Tu fais quoi ici? Il dit que tu es mon prophète. Je suis resté seul. Et c'est lui qui a dit que marche. Qu'est-ce que Dieu nous fait? Dieu dit dans cette Deutéronome qu'il a fait passer les Juifs, les Israélites, dans cette affaire du désert afin de leur faire apprendre. Donc le but du passage des déserts affreux, c'est de leur apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qu'il leur a dit. Maintenant, ça veut dire que Dieu était capable de les faire sortir d'ici pour les en faire entrer directement sans qu'il y ait de problème. Il est puissant. Mais ces choses-ci, c'est pour là, pour nous garder, nous guider, pour nous faire comprendre les plans et les manières de Dieu de fonctionner. Ça suppose donc que le fait que les Juifs vociféraient dans le désert, le fait que les Juifs parlaient tous ces langages contre Dieu, jusqu'à arriver au niveau de paroxysme, ils vont faire le vol donc à Israël. Voici ton Dieu. Et regarde, on enlève le bouc de nez. Il finit faire. Dans les nez, il finit faire. Quand ils voient, ils disent que voici Israël, voici ton Dieu. Non, mais c'est quand même terrible. Vous allez être humain et faire cela. Alors, si Dieu ne les avait pas fait passer par cette épreuve, tu devais dire que tu es idolâtre. Il devait dire quoi? Que non, il n'est pas idolâtre. Si le Seigneur leur avait dit, si vous êtes idolâtre, en sortant du jour, le premier jour, quand ils ont commencé à marcher, il dit, peuple idolâtre, que ce que j'ai dit, qui est idolâtre ici, jamais rien. Mais ça se trouve à l'intérieur. Il faut que Dieu mette les conditions sur le plan physique pour que ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur, là, se matérialise. Pour que l'homme sache qu'il a des problèmes. C'est pour ça que Dieu fait ces choses-là. Donc, des événements nous arrivent en tant que chrétiens, jusqu'à ce que nous ne parvenons pas à comprendre comment, moi qui suis chrétien, il y a des gens, même, il dit, les pasteurs prêchent comme ça, même dans la sanctification, mais vivent dans l'adultère, les pasteurs. Des pasteurs prêchent. Il dit, les pasteurs que vous connaissez, à la théologie ou autre là-bas, vivent, ils se masturbent. D'autres sont avec les prostituées. Les vies cachées, c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans Romains au chapitre 2, verset 16, il dit, c'est ce qui sera manifeste le jour où, selon son évangile, le Seigneur Dieu du ciel jugera les actions secrètes des hommes. Donc, je dis, les chrétiens ont des problèmes. Je ne parle pas de monde, je parle des chrétiens. Les chrétiens ont du mal à décoller. On a du mal à décoller parce qu'il y a plusieurs choses dans nos vies. Et le vrai problème, c'est que dans nos vies, là, ces choses-là sont des faiblesses. Nous avons des portes ouvertes, des faiblesses qui nous empêchent d'en suivre et par où l'ennemi passe pour frapper. Je vous ai toujours dit, observez les animaux, observez les troupeaux d'animaux. Observez quand les lions viennent pour rugir. Les lions ne vont pas dans les troupeaux d'animaux, ils savent qu'ils peuvent se faire blesser. Ils guettent, ils regardent ceux qui sont chétifs, ceux qui sont blessés, ceux qui sont isolés. Ils frappent là-bas. Ils s'isolent, ils font « Ah !» Les autres fuient, on l'isole. Et puis il arrête. Le lion. La Bible déclare que les mêmes souffrances, il dit sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Il dit que, dans 1 Pierre chapitre 5, pardon, il dit, le diable est comme un lion rugissant. Il me rugissant, cherchant qui dévorer. Il dit, quand il dit la Bible, cherchant qui dévorer, il en est épié. Il a épié le Seigneur Jésus la première fois, il est venu la tenter. Le Seigneur Jésus a déchargé 300 vols. Deuxième fois, le Seigneur Jésus a descendu 1000. Quand ça a atteint 10 000, il a fui. La Bible déclare, le diable s'éloigna cherchant une occasion favorable. L'occasion favorable. Donc, les faiblesses, les points de faiblesse dans la vie chrétienne sont des portes et l'occasion favorable pour Satan pour frapper. Les points de faiblesse dans nos vies sont des occasions favorables où l'ennemi frappe. Il ne peut pas venir là où il y a la force. C'est pour ça que si tu as la puissance du Saint-Esprit, il ne viendra pas te confronter comme ça là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va toucher à ce qui t'appartient. Toucher à ce qui t'appartient, les calomnies, pour pouvoir briser ton être intérieur. Sachant qu'il n'a pas le pouvoir, il n'a pas accès. Mais ce dont je vais traiter ici, c'est les faiblesses qui conduisent au péché et au relâchement. C'est sur ça que je vais parler. Permettez-moi de lire ceci. Je vais lire une là, je ne sais pas celle-ci. Bonjour, frère Junior. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce de tomber sur quelques-uns de vos enseignements. C'est doux. Frère, je souhaiterais vraiment être enseigné sur les thèmes suivants. La dispensation, l'église, le salut, le culte agréable à Dieu, la doctrine, la foi, la loi et la grâce, la doctrine, c'est-à-dire la doctrine sur la loi et la grâce, le péché, les péchés, la sanctification, l'avènement de l'église, la prédestination, avec mes remerciements. Voilà quelqu'un qui contacte. Cette personne a suivi peut-être un ou deux enseignements, mais elle ne se rend pas compte qu'il y a plusieurs enseignements. Il y a plus de 360 enseignements sur Bamba. Et tout ce qu'elle a cité là, ça s'y trouve. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire pourquoi je suis de prendre ces exemples, c'est pour que vous voyez. Alors, je lui ai écrit, « Bonjour ma soeur, ma grâce, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur te soient multipliées. Je me réjouis de te lire et de savoir que nous nous rencontrerons dans la gloire lorsque notre Rédempteur viendra très bientôt pour chercher, pour nous chercher, pour être avec lui toujours. Cela dit, les thèmes dont tu as parlé sont dans plusieurs des enseignements disponibles sur Bamba Iba. Donc, prends le temps de feuilleter d'abord tous les enseignements qui y sont. En fonction des titres, tu verras les différentes réponses dans ces enseignements. Mais je reconnais que, comme tu le soulignes, je n'ai pas encore traité ces thèmes purement. Mais je les aborderai dans plusieurs des enseignements. Pourquoi? Parce que, en effet, dès que le Seigneur me permettra, je le ferai. Prie pour moi, s'il te plaît, afin que je prêche et enseigne comme je dois en faire. Merci déjà pour tout l'amour que tu portes pour la parole, tout ce que tu fais pour son nom. Maintenant, suivez ce que la personne fait. Suivez ce que la personne répond là. Écoutez très attentivement. Elle écrit, cette personne écrit ici. Bonjour frère, mon frère, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagnent chaque jour et toi et ta famille. Comme tu me l'as conseillé, je découvre les enseignements sur Bamba Iba. C'est là où on avait suivi les enseignements. Oh frère, à travers ces enseignements et la parole de mon Seigneur que je vérifie systématiquement, les forteresses tombent, la connaissance augmente et mon cœur est dans la joie. Sans compter les nombreuses larmes qui ne cessent de couler, des larmes de joie. Merci Jésus, merci mon frère. Prie pour moi afin que la parole reste gravée sur la table de mon cœur et que les yeux de mon cœur s'illuminent davantage par le Saint-Esprit de Dieu. Salut mes frères et ceux qui sont au Cameroun. Que le Saint-Esprit t'assiste en toutes choses. Je profite de l'occasion pour vous saluer. Pas moi, elle. Je vous lis maintenant celle-ci. Comment elle s'appelle celle-là? Je vous lis, je crois que c'est Victor. Victor, prénom celui-ci. Bon. Bonjour pasteur, j'ai suivi beaucoup de vos enseignements sur YouTube, notamment lorsque vous réfutez les paroles d'Abdul Majid, mais aussi lorsque vous dévoilez les mensonges de l'islam et les pasteurs qui ont acheté la puissance chez le grand maître Salomon qui est un franc-maçon. En parlant d'Abdul Majid, je veux que vous compreniez ceci, je vais en venir maintenant pour ceci. En parlant d'Abdul Majid, vous avez parlé un peu des catholiques, parce que c'est sûr que dans l'enseignement là, en parlant, j'ai dû aborder. Vous voyez, c'est exactement comme ça que l'enseignement doit être. Ça aborde tous les aspects. Et alors, quelqu'un s'assoit devant un enseignement, le Seigneur lui parle par rapport à un thème bien précis. Un de ces jours, il te dit que j'ai suivi telle chose dans l'enseignement. Tu dis que c'était dans l'enseignement. Parce que cela a été destiné pour une personne. Écoutez ça attentivement. Vous avez parlé un peu des catholiques. Moi, qui suis catholique, il y a des choses que je comprends mal dans le culte. Exemple, la prière à Marie, les saints, le problème de la croix et du signe de croix, etc. J'aimerais que vous reveniez en profondeur pour que je comprenne bien la vérité. Je veux savoir quelles sont réellement les dérives du catholicisme. C'est quelqu'un qui est dans le catholique là-bas. Ouais, voici la preuve que vous pouvez être quelque part, vous ne savez même pas de quoi il est question. Et la majorité des catholiques sont comme ça. Je continue. Je me pose aussi une autre question. Pourquoi y a-t-il une différence entre les catholiques et les luthériens, les calvinistes, les baptistes, les témoins de Jéhovah, etc. D'où vient cette opposition? Voilà les excellentes questions. Et vous les avez dans les enseignements. Aujourd'hui, on assiste à une prolifération des différentes églises aux différents noms. Quelle est l'église qui est vraiment dans le bon chemin? Vous voyez les problèmes qu'on résout depuis. Voilà, en 2016, quelqu'un a le même problème. Bon, chaque dimanche, je vais à la messe, mais je suis souvent déconcentré. Mais j'ai toujours la foi. Je crois fermement en un Dieu unique et en Jésus. Mais je ne sais pas si les rites de mon église, qu'on dit universels, sont vraiment bibliques. Abdul Majid, vous savez qui est Abdul Majid? Tu sais qui est Abdul Majid? Combien savent ici qui est Abdul Majid? Levez les mains. C'est fort, hein? C'est fort. Vous ne savez pas ce qui se passe ici, Dieu. Donc vous êtes en danger. Maintenant, suivez ce qu'il a dit. Elle dit, Abdul Majid a failli me convaincre quand il dit que Jésus n'était pas venu pour toute l'humanité d'Israël. S'il prend ça, si vous le suivez son enseignement, vous quittez la Bible. Il dit, mais quand j'ai suivi votre témoignage, votre enseignement, j'ai compris la double mission de Jésus. Parce que dans cette histoire, j'ai pris ces extraits où il a enseigné. J'ai mis cela pour vous qui avez les cartes, mais moi qui avais cela, vous pouvez bien suivre cela dedans. Quand il fait, il vous distribue, vous croyez que c'est seulement pour votre jeu, vous ne savez pas que c'est pour bâtir votre foi. En fait, si quelqu'un est destiné pour tomber, vous tomberez. Je vous envoie une vidéo où Abdul Majid débat avec les pasteurs Kass, car je n'ai pas bien saisi si la Samarie était vraiment composée des Juifs et d'autres peuples. C'est un autre thème qu'il a abordé. Comme le dit Abdul Majid, le pasteur Kass n'est pas revenu clairement sur ce sujet. Je sais que vous êtes très chargé, c'est pourquoi je vous remercie d'avance du fond de mon cœur pour tout le travail que vous faites pour nous faire comprendre la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui a failli amener celui-ci? Le fait qu'il n'est pas fondé dans la parole. Il ne maîtrise pas les doctrines et par conséquent, un musulman a failli l'entraîner. Pourquoi? Parce que le musulman a lu la Bible. Il a donné son interprétation de la Bible pour montrer que, un, la Bible est fausse. Deux, si les chrétiens s'appuient sur la Bible, ils doivent venir aux musulmans parce que Jésus n'est pas venu pour tout le monde entier. Et il présente avec les versets bibliques. Juste à ce que Dieu me donne l'ordre que fasse cet enseignement. S'il y a au moins 64 enseignements pour les musulmans à faire. Pour les catholiques, j'attends qu'il me donne seulement l'ordre pour faire. J'ai fait pour les musulmans, là, je crois que 5 ou 6 enseignements. Il a dit, arrête d'abord. J'ai arrêté. J'attends que ça fait. Il a dit, montre mon acte de naissance dans la Bible. Tu montres mon acte de naissance dans le Coran. J'ai fait exactement ce qu'il a dit. J'ai montré dans la Bible que dans la Bible, il s'agit de Jésus. Dans le Coran, il s'agit de Isa. C'est deux personnes différentes. Donc, quand vous êtes devant un musulman, si vous parlez Jésus, en prononçant Jésus, présent Jésus, vous ne parlez pas de la même personne. Et vous devez savoir cela. Parce que dans le Coran, il n'est pas écrit Jésus nulle part. Il est écrit Isa. Et Isa n'est pas Jésus. Il n'y a aucune traduction possible parce que ça revient à Jésus. Jamais. Donc, prochain enseignement concernant cela, ce sera d'établir que Allah n'a jamais rien à voir avec le Dieu de la Bible. Donc, Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Et par conséquent, un musulman et un chrétien, un juif ne peut pas s'entendre. Parce que sinon, on ne sert pas la même personne. Mais c'est justement ce qu'on veut nous faire comprendre sur la terre en disant que nous tous nous évoquons le même Dieu. En fait, le seul Dieu qui peut les unir, c'est le Dieu du nouveau ordre mondial, Lucifer. C'est lui seul qui peut avoir ces aspects-là. Maintenant, celui-ci dit que Abdul Majid a failli l'entraîner. Sa faiblesse était quoi? L'ignorance. Juste à ce que le Saint-Esprit dit, faites cette ignorance. Vous faites, vous mettez là-bas, ça, c'est conduit, Dieu conduit cela à ceux à qui c'est destiné. Or, dans la Bible, vous allez suivre sans prédication, la majorité des pasteurs ne connaissent pas ces choses-ci. La double mission du Seigneur Jésus. Vous les allez lire votre Bible, feuilletez votre Bible, vous ne verrez nulle part où le Seigneur Jésus a dit à ses disciples d'entrer, quand il était sur la terre, d'entrer chez les païens. C'est ce qu'il m'a dit. Vous allez prendre Matthieu chapitre 28 en disant qu'il a dit allez faire une nation de disciples, il a dit jamais, jamais. C'est pas ça parce que dès le départ, il ne croit pas que Jésus est mort et ressuscité. Vous voyez cela? Ils vont te prendre Matthieu chapitre 10, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Et vous avez un autre enseignement, c'est que j'ai dit qui sont les brebis perdus de la maison d'Israël qu'on a fait ici pour montrer qu'il ne s'agit pas seulement des juifs, c'est la question. Je ne sais pas si vous avez cela, mais les faiblesses doivent nous conduire à Christ. Des gens comme ça appellent, mais il y en a tellement là. Si vous voulez seulement lire les emails là-bas, je vais lire, vous allez en voir à pleurer. Mais Dieu utilise ça pour changer des vies, quelque part. Il y a une là, permettez-moi de trouver cette fille, je crois. Trouvons-la rapidement là. Comment elle s'appelle? Bonsoir frère Junior, je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de vous car je n'ai pas répondu au dernier mail que vous m'avez envoyé. Parce que je lui ai donné les instructions à suivre, elle n'a pas suivi les instructions. Après, j'ai essayé de suivre vos conseils, mais ça a été un véritable échec. Aujourd'hui, ma situation s'est empirée. Je suis tout le temps triste, je n'ai plus la foi. Que ça soit à l'école ou même avec mes proches, ça ne va pas. J'ai déjà pensé au suicide, même si je sais que ça ne me résout pas le problème. J'ai déjà pensé au suicide, même si je sais que ça ne résoudra pas mon problème. J'ai repris mes anciennes mauvaises habitudes, la fornication, les mensonges et d'autres choses encore. C'est sur les conseils, écoutez très attentivement, c'est sur les conseils de mon petit ami que j'ai donc décidé de vous contacter. Vous pourriez peut-être m'aider. Voilà autant de lettres qu'il faut résoudre. Voilà le problème des êtres humains dont les gens sont de traverser dans le monde entier. Et dès qu'elle s'est résignée, elle a régné la foi. Elle est retournée dans son ancienne vie. Elle pensait même au suicide. Mais elle sait que ça n'a pas résolu le problème. Vous pouvez imaginer ce que cette personne-ci, seule à seule dans sa chambre, en train de traverser. Nos faiblesses doivent nous conduire à Christ. Nos faiblesses doivent nous conduire. Il dit qu'il y en a des centaines comme ça là maintenant. Et chaque personne, il faut leur répondre. Vous entendez? Quand vous lisez comme ça, première réaction, après avoir lu le genou au sol, il faut que vous mettez devant Dieu pour cette personne-ci. Mais Dieu a l'heure pour celle-là. Parce que la prochaine fois, il va écrire notre email qui a changé la situation. Celle-ci. Dieu est à l'œuvre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire à ce qu'elle pense au suicide? Satan est derrière. Je me souviens de cette femme-là, lorsqu'il était en prêchant à faire, elle est entrée comme ça en blanc-blanc. C'est pour dire que même si tu t'habilles bien, même si tu fais n'importe comment, ce n'est pas là le problème. Ta conscience, ton subconscient et ton cœur disent ce qu'il y a réellement dans ta vie. On peut s'asseoir comme ça là, je ne suis pas Dieu. Vous connaissez ce qui est dans vos vies. Vous connaissez quel est votre propre problème avec le Seigneur. Vous savez ça, pas vrai? Elle est entrée. Brune! Papa Tani, ce n'est pas la à l'opome là, donc ce n'est pas la petite fille là. Elle est entrée, c'est une femme dont son mari est policier. Elle est entrée, elle s'est tenue debout. Alors que je me tenais là devant, le Saint-Esprit a fait son entrée et il a dit, toi, madame, oui, tu veux te suicider. À l'instant où quand cet esprit a été dénoncé, c'était la catastrophe seulement. La vie blanche est devenue marron. Elle voulait se suicider. Boum! Là-bas au sol, elle était propre, avec le parfum senti dans toute la salle. Boum! Au sol. Boum! Maintenant, il y a la joie de vivre dans son foyer. Ça crée la tension dans son foyer. Son mari travaille. Elle travaille, ils ont des enfants. Vous voyez, un jeune couple qui est beau. Mais pourtant, il y a des mésententes à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à un moment donné, son mari croyait peut-être que le pasteur soit avec sa femme. Elle dit qu'il veut te trouver avec elle. Il dit que le policier veut te rencontrer. Il a fui, il est parti. Alors qu'on veut résoudre le problème dans son foyer. Je me souviens de celle-là également. Ils ont parlé de faiblesse pour voir ce qu'il en est. Juste ce que Dieu l'a fait entrer là-bas. L'autre était venue, sortait de Yaoundé. Elle était devenue mince comme ça. Mince, je ne sais pas qui est ici qui peut connaître la fille. Bon, mince. Elle avait écrit la lettre pour se suicider. Elle venait à Douala, elle avait mis ses derniers habits dans un petit nylon pour aller se suicider. Elle a appelé du matin jusqu'au soir. J'étais en train de résoudre le problème des gens. Il dit, attends-moi à tel endroit. Elle a attendu là-bas du matin jusqu'à 17h. Vous voyez ce que Satan peut faire dans l'esprit. Et vous voyez ce que Dieu peut faire, être capable de faire de maintenir quelqu'un sur place. Elle avait sa lettre où elle dit, Voici le dernier recours. Je le vois après là, il peut entrer dans le bruit. Regarde comment Satan peut faire pour une vie. Et je crois que Jésus a raconté l'histoire de cette fille. C'est une fille donc qui avait payé une prostituée, elle est venue coucher avec moi. C'est dès la discussion de parler. Quand elle a le problème, elle allait quelque part, quelqu'un lui donne mon numéro, elle a appelé, c'était toujours moi. Ça s'est tenu devant. Je suis venu, vous l'avez vu. Oui. Ça va se résoudre. Reste tranquille. On a amené, on a changé ses habits, on a prié pour elle. Et puis, le Saint-Esprit a fait son entrée. Le commerce que tu faisais, Dieu va te donner de l'argent et tu vas lui faire le même commerce maintenant et tu vas multiplier, l'argent va te saouler. Quand c'est dit comme ça et que tu regardes devant, il n'y a rien. Tu regardes derrière, il n'y a rien. On entend la voix d'un coup homme qui est en train de parler, d'un coup garçon qui est en train de parler. Et c'est plus tard qu'elle est venue confesser en disant que le jour que tu avais dit là, tu regardes comme ça que fini ta part. Ça n'a pas fait 2 mois, elle avait un terrain de 2 millions. Elle parlait en termes de millions. Après, subitement, cette vision-là est venue, elle est regardée comme ça, en plein assemblée, elle dit, mais est-ce que quand ça viendra, tu tiendras? Là est le problème. Et de qui? Moi? Pour moi, les gens-là sont morts et finis. Mon garçon qui voulait m'épouser, là, c'est moi, pour moi, c'est enterré. Et de qui parle? Parce qu'on ne peut pas voir au-delà de ce qu'il a. Nos faiblesses doivent nous conduire à Christ, pas nous en éloigner. Nos faiblesses doivent nous conduire à Christ, pas nous en éloigner. Dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul se rend compte effectivement que malgré qu'il fonctionne avec Dieu, il y a une faiblesse. Il y a un écharpe qui a été mis dans sa chair, comme je cite la dernière fois. Il est allé devant le Seigneur, il y est resté. On n'a pas dit combien de jours il a prié, on a dit que 3 fois. C'est-à-dire qu'il a prié plusieurs fois. Seigneur, enlève-le de moi, juste que Dieu se fait entendre. Je pose la question, l'apôtre Paul, celui qui a les contenus du Saint-Esprit, il prie une fois, Dieu ne répond pas. Mais il continue à faire le ministère. Il continue à faire le ministère, Quand il est dans le secret, il prie 2 fois. Ce n'est pas ça, frère. Pourquoi la première fois, Dieu ne répond pas? Je veux que vous compreniez les façons de Dieu d'agir. Il n'est pas obligé de vous répondre sur le premier coup. Il n'est pas obligé même de vous répondre. Son silence, c'est une réponse. Le silence de Dieu, quand il ne parle pas, il est en train de parler. Parce que dans le silence, il travaille. Alors, l'apôtre a prié une fois, allez prêcher 2 fois, allez guérir les gens. Mais c'est quand même curieux qu'il prie pour les gens guérissent pour lui, ça ne fait rien. Vous pensez qu'il dit, au nom de Dieu, sors de moi. Que j'ai là, comme les pentecôtistes enseignent aujourd'hui, que vous avez le feu dans vos bouches. Vous avez l'autorité de chasser. Après, ça va partir, tu vas partir. La première question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce qui doit partir? Pourquoi c'est là? C'est cette question qu'il faut répondre d'abord. On croit qu'on a, on peut tout. Comprenons bien Dieu. Je vous ai dit que souvent, il y a des choses. Il dit, voici les problèmes, les situations que je lis là. Vos situations. C'est ça qui me casse beaucoup la tête et qui me brise le cœur devant le Seigneur. Il y a des choses que j'observe sur certains d'entre nous ici et ailleurs. Je ne dis absolument rien. C'est une situation que je vois, il ne parle pas. Quand je viens me parler, par exemple, pour le pays, je parle pour la France, sous le nom de la France, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et autres là-bas, ce sont des choses qui sont délicates. Je fais ça pour titiller parce que je sais que le Seigneur que je sais les a révélés à certaines personnes pour les pousser aussi à la prière pour que je ne sois pas seul. Mais ici, quand il regarde, j'observe certaines personnes, j'observe certaines choses, je n'ose pas parler. Je vais seulement dans la prière. Seigneur, aie pitié. Grâce et miséricorde. Subitement, la personne va aller sortir de la situation. Tu observes encore, tu vas faire la situation. Tu dis, oh Seigneur, on n'a pas besoin de tout parler. Il faut traiter cela dans le secret. Alors, vous dites, je suis comme ça. Vous pensez que je suis exempté du problème? J'ai des problèmes. Quand vous venez vous asseoir, vous dites que vous avez des problèmes. Souvenez-vous de ceci. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas Jésus. Appelez-lui. Il y a une chanson que vous chantez que appelle, il te répondra. Alors chantons. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Ok. Dans toutes les phrases, là, vous avez suivi mon nom là-bas. Hein? Il dit dans toute la phrase que vous avez chanté là et tout le tout cantique, vous avez entendu mon nom qu'un jour là-bas. Donc souvenez-vous. Souvenez-vous, nous sommes tous frères. Et donc, toi et moi, nous avons accès auprès du Père de la bonne façon et de la même façon. On se comprend. Tout ce que je peux, c'est tout ce que je peux en tant qu'être humain, par sa grâce, c'est de nous indiquer comment entrer ensemble. Il a dit dans ce 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 et suivant, il a dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il veut qu'on comprenne ceci. Dans Philippiens 4, verset 6 et 7 là, il a dit que dans tous vos besoins, faites connaître vos besoins à qui? À Junior. Mais quelqu'un à 23 ans, il a un problème, prend le téléphone. Junior. C'est Junior qui est le rédempteur. Il faut qu'on fasse attention. Par contre, je veux que vous compreniez ce principe-ci. Pour que vous voyez pourquoi Dieu laisse certaines personnes entraîner jusqu'à ce qu'ils comprennent certaines petites notions de la Bible. C'est que si tu as des problèmes, tu contactes toujours un être humain. Parce que la Bible déclare que maudit soit quelqu'un qui se confie à un homme. Traitez votre problème avec Dieu. Et s'il veut envoyer un homme résoudre le problème, il l'envoie. C'est normalement la voix ici. C'est la voix. Mais suivez. S'il arrivait que Corneille voudrait savoir comment être sauvé et qu'il demandait à Pierre que cherche ma Pierre pour que je sois sauvé, il ne ferait pas. Il ne connaissait même pas que ce n'est pas la prédication qui va être sauvée. Il continue sa prédication parce que l'ange vient d'y donner l'instruction. Envoie maintenant à Joppé appeler Pierre. Pas vrai? Pour qu'il vienne te dire la parole par laquelle tu vas être sauvé. Pourquoi l'ange ne peut pas lui dire directement la parole qui vient te sauver? Pourquoi? Donc quand Dieu veut faire quelque chose, il faut pas qu'on... En fait, je veux que vous cultivez une relation avec le Seigneur. Que vous ayez une intimité avec le Seigneur. Parce que souvenez-vous, vous faites comme ça, Dieu frappe. Vous faites comme ça, Dieu frappe. Quand il dit Dieu frappe, ça veut dire Dieu enlève la personne devant de vous pour qu'on ne soit pas, une occasion de chute pour vous. De telle façon que tu seras déboussolé. C'est pour ça que vous allez voir effectivement les gens qui ont été dans les dénominations, dans les sectes, quand le leader meurt, pam, c'est déboussolé. Il faut que vous soyez un électron libre utilisable par le Seigneur n'importe où. Lorsque la première persécution est arrivée, vroup, dans Acte chapitre 8, là, la Bible dit que les disciples sont dispersés. Quand ils sont dispersés, tu vas commencer à dire que en l'état, c'était encore plus grave qu'il n'y a pas le téléphone. Donc tu as un problème, tu dis que ouais, Paul, ouais, Pierre. Oh Seigneur, la Pierre, oh Pierre. Vous allez dire ça? Souvenez-vous, la relation avec le Seigneur, c'est une relation, c'est une communion. C'est une intimité. C'est sur ça que doit baser notre relation. Faites tout, faites cela. Et souvenez-vous de ce que nous avons vu la semaine passée ici, la méditation pour faire entrer la parole. Ne pensez pas que vous allez laisser la parole, balayer la parole d'un revers de la main, et que lorsque vous avez un problème, subitement vous jouez la Bible comme ça, tombe. Oh ma Bible là, ma Bible se trouve où? Et que vous dites, aujourd'hui j'ai le problème, parce que le commerce ne marche pas, ou même parce que tu as un problème de santé, ça t'a alité pendant 3 jours. Tu prends la Bible, tu mets sur ton visage, sur ton, vous l'appelez, sur ton cœur. D'autres mettent un sur son cœur, un sur son oreille pour dire que si Satan passe par l'oreiller, ça bloque. S'il dort comme ça sur le cœur, que ça bloque. Je vous ai dit, ça c'est le livre. Vous prenez ça, un démon devant Dieu, tu t'en sais, il va prendre taper ça sur ton visage. C'est pas ça. C'est ce qui sort de la bouche ou de l'esprit là qui le fait peur. C'est ça. Donc vous dites, je prends la parole comme ça, quand ça ne va pas, tu es endormant. Pour consoler un peu ton esprit, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres comme ça, tombeau, bosse, calabar, tcha, pédé, tcha. Tu fais comme ça, tcha. Quand tu vas faire comme ça, tu lis. Alors, tu lis là où je suis tombé là maintenant. Saul mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel. Qu'est-ce que tu ferais de telles choses? Alors, comme tu es sur le lit, tu sens que le docteur dit ça ne va pas. Tu dis que Saul mourut à cause de l'infidélité. Ça, c'est nous sommes dans 1 Chroniques chapitre 10, verset 13. Là. C'est là où je suis tombé. Maintenant, supposons que tu es sur le lit, dans le lit vital, tu ouvres comme ça, tcha, tu tombes là-dessus. Qu'est-ce que ça te dit? Alors, je suis sûr que tu vas poser la Bible à des côtés pour dire maintenant que tu n'es plus dans la Bible. C'est pour dire que n'attendons pas ces moments-là pour contacter Dieu. Soyons dans l'intimité avec le Seigneur afin que lorsque les temps difficiles arrivent, souvenez-vous de Éphésiens chapitre 6. Il dit que prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Il n'a pas dit pour aller combattre. Il a dit prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Vous voyez ça? Afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Si on ne tient pas ferme, vous ne prenez aucune arme. Les flèches entrent par-ci, par-là, ça touche de la tête jusqu'au pied. À ce moment-là, vous allez pleurer. Pleurer de quoi? Donc, il faut que les techniques de maraboutisme pentecôtiste que nous avions autrefois plus tomber, nettoyer, et que nous rentrons dans la simplicité de cette parole-ci. La parole doit nous garder. La parole doit nous sanctifier. La parole doit habiter en nous. Comme le Saint-Esprit l'a recommandé, que ça habite abondamment. Et pour que ça habite abondamment, il ne s'agit pas seulement, je vous ai dit cela la dernière fois, d'écouter des prédications. Écoute, vous mettez la Bible audio à vos oreilles, ce n'est pas ça qu'on a le parent de parler. Parce que quand nous prêchons comme ça, tout le monde, les oiseaux entendent, Satan entend, il connaît même ça mieux que cela. C'est laisser le Saint-Esprit appliquer cette parole-ci dans l'esprit, c'est ça le problème. Et ça se passe par la méditation. Et la méditation ne passe pas ipso facto, ça ne se passe pas de tic au tac. Pas que si je vais en méditation maintenant, j'ai 15 minutes, méditation, ce n'est pas comme ça. C'est ça qu'on parle de l'intimité et de la, cette culture d'intimité avec le Seigneur. Plus vous passez le temps dans la parole, dans la communion avec la parole, doucement, votre vie en dépend, vous dépendez de la Bible, doucement, parce que tant que tu es sur la terre, tu es contraint. Tu es contraint à savoir que tu fais partie de la Bible, la Bible fait partie de toi. Et si c'est tel est le cas, ça suppose donc que ta vie en dépend entièrement de la Bible. Et si ça en dépend entièrement de la Bible, tu vas le lire méthodiquement, systématiquement, continuellement, permanemment et pour toujours. Et si c'est pour toujours, au fur et à mesure que tu en lis de cette façon-ci, tu cultives une relation avec Dieu, lui il te forge son caractère à lui et son image. D'accord. Vous voyez, quand les gens viennent d'arriver dans le Seigneur, ils voient les gens prêcher. Comment on prêche comme ça, sans lire la Bible, on cite la Bible, sans lire. Ce qui fascine dans l'intellect, c'est que comment il fait pour citer la Bible comme ça? Comment il fait pour faire comme ça là? Alors, si aujourd'hui on détruit la Bible, comment vous allez faire? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez les musulmans se vantent qu'il y a un enfant de 9 ans qui peut réciter tout le Coran du début jusqu'à la fin. Mais aucun chrétien ne peut réciter. Il croit peut-être qu'en récitant, enfin, c'est vrai que dans le Coran, la récitation du Coran donne accès au paradis. Si tu récites tout le Coran comme ça, ça veut dire que les bienfaits sont sur toi, tu es au paradis. C'est pas ça la Bible. La Bible, c'est un suite de concassements de cerveau. Que même si tu récitais tout cela, s'il y a quelqu'un qui peut réciter tous les ou placer tous les livres de la terre comme ça là, un démon s'assoit là-bas, il peut réciter tout ce qui est à l'intérieur, vous vérifiez. Vrai ou faux? Donc ça veut dire qu'en récitant cela, ça ne donne pas la vie. Il s'agit de la parole habitant en nous. Et si la parole habite en nous, la Bible appelle cette parole qui habite en nous Christ. La Bible appelle cette parole qui habite en nous Christ, loin. Christ, l'esprit, la parole que je vous dis sont esprit et vie. Pour la faire entrer, c'est par méditation. La méditation le fait à soi sur ton esprit. Nettoie le caractère, nettoie les différentes choses qu'on a eu à ingurgiter de ça et la nettoie. Après, petit à petit, vous commencez à avoir la pensée du Seigneur. Alors le Saint-Esprit peut déposer sur ton cœur la pensée du Seigneur à un moment donné. Pas que tu as besoin d'entendre une voix que tu dis, hey, la voix m'a fait mal à l'oreille, c'est pas ça. Il met sa pensée. La Bible déclare que nous avons la pensée de Christ. Vous avez entendu ça? Nous avons la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que ce sont les choses que Dieu a cachées depuis dans ses entrailles. Il nous a révélées par son esprit maintenant. Pas vrai? C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 2 nous dit. Nos faiblesses vont nous conduire à Christ Jésus. Pourquoi ça doit nous conduire? La dernière fois dont nous avons lu dans le livre de 1 Jean chapitre 2. Nous avons lu dans le livre de 1 Jean chapitre 2. À partir du verset 1, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, nous avons lu qu'il est écrit là-bas que mes petits enfants, tu es en train de chercher mon cher, continue là. Attends, on t'a seulement. Mais il dit que, est-ce qu'on t'a seulement puni? C'est que même le vent de sa tête, tu ne peux pas pousser là-bas. Tu es là-bas comme ça, comme quelqu'un qui va tomber, mais ça ne te dérange pas. Permets-moi donc de porter cela. Maintenant, tu es à l'aise là maintenant, n'est-ce pas? Merci. Mais voilà. 1 Jean chapitre 2. Maman. Vous y êtes. Donc, il dit dans 1 Jean chapitre 2, il dit, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Ça, c'est le livre des gens où tu es là maintenant. Tu es dans le livre des gens. 1 Jean, c'est vers la fin là. Avance. Avance, mon cher. 1 Jean, c'est vers la fin ici. Donc, non, ici là. 1 Jean là. Chapitre 2 quelque part, c'est 1 Jean, chapitre 2, regarde le chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. C'est ça qui est écrit? Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous voyez, il est lui-même quoi? Une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour nos péchés, mais pour ceux aussi du monde entier. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que si quelqu'un a péché, vous avez une faiblesse, courez vers Jésus, ne vous en éloignez pas. La Bible déclare qu'il est assis à la droite de la majesté divine et il intercède. Il intercède pour les saints. Donc son sacrifice est toujours disponible pour nous. Est-ce que ceci veut dire qu'il faut que je parte consciemment commettre des erreurs? Souvenez-vous de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que comme Christ est là maintenant, comme il y a l'opportunité maintenant pour résoudre le problème du péché, je pêche, je couille vers Dieu. Et un de ces jours, quand tu viens, qu'il est laissé lever du trône, qu'est-ce que tu fais? Prenons nos vies au sérieux. Prenons nos vies spirituelles au sérieux. Dieu désire ardemment la sanctification, c'est-à-dire que nous ayons sa nature à lui. Et la dernière fois, nous avons cité également 1 Pierre, chapitre 1, le verset 15. Il dit que celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toutes vos conduites. Selon qu'il est écrit, je suis saint, vous serez saint. D'accord? Nous avons également parlé de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, il dit qu'on s'abstient de convoitises là qui font la guerre à l'âme. Donc faisons attention. Nous devons comprendre que nous avons l'ennemi. Notre premier ennemi est attaché à nous. Et dont les faiblesses s'y trouvent. Et par conséquent, la Bible nous a donné plusieurs injonctions, plusieurs endroits pour nous montrer effectivement comment détecter cela. Comment détecter que nous possédions. Et les versets que je vous ai donnés les dernières fois montrent cela. Dans l'œuvre de 1 Pierre 1 Corinthiens chapitre 3 que j'ai donné l'autre fois, la Bible déclare que puisqu'il y a de la jalousie parmi vous et des querelles, n'êtes-vous pas les hommes? Donc voilà, c'est ça qui montre qu'on est charnel. Et quand on est charnel, on est guidé, contrôlé par la chair. Quand il y a des divisions, des querelles, des disputes, des mots, des railleries, ainsi de suite. Dans Hébreux chapitre 5, il dit que vous qui devez être des maîtres, vous êtes encore au niveau de l'air. Et maintenant, pour mettre le clou, dans Galates chapitre 5, verset 16, il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Après, il met clairement le sens opposé de ces deux-là. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a les contraires à ceux de la chair. Ils sont contraires l'un et l'autre afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Donc, que tu l'admets ou non, dans votre être, vous devez être guidé par quelque chose. Et c'est pour ça que la semaine dernière, je vous avais dit que votre cœur ne peut pas rester neutre. Votre cœur doit être entretenu. Je veux que ce soit clair. Je veux votre attention. Votre cœur ne doit pas rester neutre. En fait, vous ne pouvez pas là maintenir votre cœur dans la neutralité. Il doit être coupable quelque part. Allumez-la pour que je vois bien vos visages avant de développer ceci. Votre cœur, c'est pour ça que vous avez des rêves, c'est pour ça que vous avez des mauvaises pensées. Votre cœur ne peut pas être neutre. Ça doit faire quelque chose. C'est un moteur qui est en plein rythme, plein régime. Le cœur ne peut pas être tranquille. Ça doit être entretenu par quelque chose. Soit c'est entretenu par les choses spirituelles, soit c'est entretenu par les choses du monde et par conséquent charnel. Si c'est entretenu par les choses charnelles, ce qui va inspirer, sortir de cette chair-là, la Bible déclare que ça va souiller ton être. C'est ce que le Seigneur Jésus voulait se référer dans le livre de 1 Corinthiens, Matthieu chapitre 15. Ça casse, ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille. Ça sort de la bouche. Il dit, car c'est de l'intérieur du cœur que viennent les meurtres, les mauvaises pensées, les adultères, ainsi de suite. Et c'est ça qui souille l'homme. Comment ça a fait pour entrer? Parce que tu as dressé son corps neutre. Je veux votre attention le plus maintenant, ne soyez pas déconcentré. Comment se fait-il qu'un enfant comme celui-ci qui est au milieu de nous grandit et qu'on ait ce qu'on appelle maintenant désormais l'adultère, la fornication? D'où est-ce que c'est venu? Expliquez-moi. Vous avez un enfant, une jeune fille à la maison, elle ne connaît absolument rien. Un de ces jours, vous entendez à la maison, coller la petite, coller la petite, coller la petite. Donc, ce que nous entendons, je crois que l'une des choses, j'avais parlé dans un des enseignements ici, de ce même Galates chapitre 5, en disant que c'est que la Bible en train de parler, les choses de la chair, ce sont les péchés du sens. Je vous avais dit ça, n'est-ce pas? Le péché du sens. Je vous avais parlé. La Bible dit, dans ce Galates 5, verset 16, les choses de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Quand il parle du péché de la chair, il parle du péché des sens. Les cinq sens que vous avez, qui sont les portes de sortie et d'entrée pour que votre corps puisse appréhender, sont les portes du péché. Et donc, c'est pour cela que Satan peut donc reproduire des choses sur le plan physique concernant ce qui est à l'intérieur. La Bible parle de convoitise de la chair. J'espère que vous me saisissez. Quand la Bible dit, faites attention, donc ne vous livrez pas à cette convoitise que vous aviez autrefois. Comment on a fait pour avoir cette convoitise autrefois? Autrefois, on vivait selon le train de ce monde. On avait un style de vie. Pourquoi? Parce que c'était agréable à nos sens. Nous avons un style de choses que nous voyons. Et par conséquent, ces choses-là entraient petit à petit et formaient un caractère, des caractéristiques en nous. Nous entendions un style de musique, c'est une chose qui plaisait à nos âmes. Et jusqu'à présent, il y a certains frères en Christ, qu'ils entendent, c'est une chose, Gaël la route, il dit, oh, avant de dire, je suis chrétien. Il dit que je suis chrétien, il rejette ça au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça vient réveiller? Ça vient réveiller quelque chose qui était à l'intérieur parce que ça a été injecté. Donc l'enfant grandissant, si cet enfant se grandit, dans un environnement, il n'y a pas de musique. Un essai, je lui grandis, vous le mettez dans un endroit de la musique. Vous allez bouger votre tête là-bas comme le lézard, ça ne lui dirait absolument rien. Parce qu'il n'a pas eu la part, il n'a pas eu la semence de ça dès le départ. C'est ça que je voulais parler. Vous me saisissez? Donc je dis donc que le cœur ne doit pas rester neutre, il faut l'entretenir. C'est pour ça que Dieu a dit, quand l'enfant est petit, forme-le dans la parole. Pour que c'est la parole qui entre comme sémence. Parce que plus tard, ça va reproduire. Vous me saisissez? Donc, autrement dit, le cœur est entretenu, soit par les choses charnelles, soit par les choses spirituelles. Les choses charnelles sont tout ce que vous pouvez nommer dans le monde. Comme il a dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 et suivant, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, parce que ça empêche. Ça doit être entretenu, le cœur doit être entretenu. Le cœur doit être entretenu. Si vous vous exercez donc par les psaumes, les prières, ainsi de suite, dans là-bas, votre cœur petit à petit est sanctifié. Et par conséquent, le Saint-Esprit parle à ce cœur. Si ce n'est pas comme ça, il y aura plusieurs voix. Si ce n'est pas comme ça, si vous n'entretenez pas plusieurs, il dit, suivez attentivement. Je dis bien, je veux votre attention dans cette section. Si vous n'entretenez pas vos cœurs comme ça, de cette façon comme la Bible a conseillé, vous aurez des problèmes. Vous allez vous entendre. Entendre d'autres voix sans entendre le Saint-Esprit. Je veux que ça soit bien propre. Seigneur, parle-moi cette nuit, parle-moi cette nuit. Tu rêves comme le porteur a poursuivi. Qu'est-ce qui est arrivé? Seigneur, parle-moi cette nuit, parle-moi cette nuit. Vous, tu te lèves comme ça avec la suite sur toi, c'est quoi? Je voulais tomber dans un trou comme ça, j'ai seulement arrêté un arbre avant qu'il me s'est réveillé. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Wab le cercueil. Pam! Tu tapes ton conjoint sur lui, c'est quoi? On voulait m'enterrer. On a mis la dernière poussée comme ça, c'est tombé sur moi, je suis réveillé. C'est ça, mais Seigneur, parle-moi. Et la Bible dit, au dernier jour, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Mais c'est quand même terrible. Vos jeunes gens auront des visions. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servants, en ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. L'époque de la dispensation de l'esprit. Et l'apôtre Pierre dit que la promesse est pour vous. C'est-à-dire que ceux qui étaient devant lui. Pour vos enfants, donc les descendants. Il dit, et pour vous, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelait. L'appel subsiste toujours. Ça subsiste. L'appel encore en vogue. Il dit que la promesse est identique. Alors, je veux que vous sachiez que les distractions, les faiblesses, le non-fonctionnement dans le corps, dans la place, puis les désirs charnels sont intimement liés. Vous avez suivi? Toutes ces choses-là sont intimement liées. Désir charnel, le non-fonctionnement, toutes ces choses-là, c'est intimement lié. Donc, ça veut dire ceci. Le Seigneur Jésus, parlant spécifiquement à notre Église, dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 20, jusqu'au même 22, où nous avons lu, où nous avons eu à étudier plusieurs fois dans les messages, dit de façon spécifique et droite, qui se tient prêt à entrer dans la vie de tous ceux qui vont l'invoquer. Mais là, il a dit qu'il y a un prix à payer dans ce même passage. Il a dit qu'il y a un prix à payer. Il dit, je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Il a dit ça en langage simple dans les évangiles, dans Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 16, verset 24, Marc chapitre 8, verset 38, Luc chapitre 9, verset 23, Luc chapitre 14, verset 27, à 33, il a dit, si chacun de vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède et ne porte pas sa croix pour me suivre, il ne peut être mon disciple. Fin de citation. Donc c'est ce qu'il a dit, qu'il a réitéré. Il dit, je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et la Bible explique que l'or, pour être brillant, passe par le feu dans les épreuves. Il faut que vous admettez, il faut que l'église de notre époque puisse admettre l'épreuve. Et laisser la richesse. Parce que tu dis que tu es riche. Tu t'es enrichi. Tu n'as besoin de rien. Jésus dit qu'on a besoin de quelque chose. Des épreuves. Mais à cause de ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Parce qu'on va faire peur aux chrétiens. Les musulmans vont faire peur aux chrétiens. Nous sommes dans l'air. Les musulmans vont faire peur aux chrétiens. Nous sommes dans l'air. Nous sommes dans l'air. Nous sommes dans la période. Les musulmans vont faire peur aux chrétiens. Nous sommes dans l'air. L'heure arrive, comme vous avez suivi celle-là, dit que j'ai régné la foi, où il sera confronté à, je ne suis pas avec Jésus, et accepter Mohamed, ça arrive. Il faut que ça passe, parce que c'est l'esprit de l'époque de notre église. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. À celui qui vaincra, les vainqueurs doivent passer par là. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme j'ai aussi vaincu, je me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Vous comprenez ça? que celui qui a l'oreille comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de notre époque est faible spirituellement dans la puissance, mais riche en matériel, riche en bien matériel, riche en paroles, riche en Bible physique, riche en paroles, paroles audio partout. Il y a plusieurs styles de Bible, je numérique, audio, livresque. C'est simple, pas vrai? Pauvre en ce qui contient ces paroles. On peut porter la Bible comme ça, vous voyez, le pasteur arrête la Bible. On écrit la Sainte Bible. C'est une abomination que décrit même ceci. Que la Sainte Bible, ce que vous avez devant vous n'a jamais été saint, ça ne peut pas être saint, ce n'est pas possible. Le contact avec le saint qui a écrit cela fait de cela que ça soit saint pour vous. Vous ne pouvez pas arrêter le Bible, vous dites que c'est un saint livre, comme les musulmans disent que pour toucher au Saint-Coran, il faut faire des ablutions, des rituels humains. Ce qui est à l'intérieur, vous pouvez prendre ça là, vous mettez le feu sur ça, vous brûlez, vous préparez le feu avec. C'est ça, n'est-ce pas? Ça va brûler parce que c'est le feu, la feuille et de l'encre. C'est saint lorsque ça quitte le livre, ça habite sur le cœur et que ça peut sortir de façon tranchante au sol. T'habites, lève-toi. Voilà la parole qui est en train de manifester. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Lazare sort. Comment il peut parler, il sort? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir. Voilà. Voilà ce qu'il en fait. On est resté pendant des milliers d'années sur le terrain de Satan. Le terrain de l'intellect. Où on peut être raffiné pour comprendre ces choses, essayer d'expliquer ça mieux. Pour qu'on explique les terminologies mieux, il faut qu'on ne pas être fréquenté. Ceci à l'oreille le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre en milieu, traite les cas au cas par cas. C'est ça qui est en train d'arriver. J'espère que vous me suivez. Il faut que notre faiblesse nous conduise à Christ. Et je leur dis, l'église de notre époque manque de la puissance. Par conséquent, l'église de notre époque a sa grande faiblesse. Le Saint-Esprit n'y s'y trouve pas. Et en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Dans l'Apocalypse chapitre 3, il dit, voici, je me tiens à la porte. Et après, il dit que l'Esprit, ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit aux églises qu'il se tient à la porte. Il est à la porte, à l'extérieur, désire entrer au milieu de l'église. Nous avons la responsabilité. Donc, pour tous ceux qui sont en train de passer par des iniquités, il y a des gens que c'est sur le mensonge. D'autres personnes que même s'ils font n'importe comment, ils ne parviennent pas à aimer quelqu'un. Quand même, il va lire dans la Bible. Souvenez-vous, c'est la meilleure chose dans la vie chrétienne, c'est que vous ne pouvez pas imiter la Bible en étant conscient. Ce qui est bien, il dit bien, ce qui est bien dans la Bible que vous avez devant vous, c'est que vous ne pouvez pas imiter en étant conscient. Si vous êtes conscient, vous saurez que vous êtes faux en imitant. C'est-à-dire, s'il y a une nature présentée dans la Bible et tu essaies de te façonner, d'être façonné, cette nature, ça ne marchera pas parce que tôt ou tard, ta véritable nature se fera connaître. C'est ce que je suis en train de vous la dire. Ta véritable nature se fera connaître. Ça veut dire que tu dis j'aime mon frère, j'aime mon frère, j'aime mon frère. Attends seulement, voyons jusqu'à où ça va aller. Parce que ça n'a pas pipé. Quand ça va piper, comme je dis pour le cas des juifs dans le désert, quand ils pouvaient dire, oh Dieu, souvenez-vous, quand Josué va les faire tenir là-bas, alors que ici ils ont traversé, l'arrivée se trouve là devant eux. Josué se tourne là, la grande vision s'est présentée devant le prophète. Il a dit waouh! Oh. Oh. Cette Bible-là. Josué s'est tourné comme ça, bam, du côté de l'Occident. La vision s'est présentée devant lui de ce qui va arriver sur Israël. Il s'est tourné là, il a vu ça, il a eu peur. Waouh, il s'est tourné. Il a dit, quand il voit ce qui est en train d'arriver, il s'est tourné, il voit le peuple. Vous savez, le peuple. Il s'est tourné, il dit, si vous avez, souvenez-vous, les dieux égyptiens vous avez servi. Aujourd'hui, là maintenant, là, faites attention. Choisissez qui vous voulez servir. Ou ce sont les dieux que vous pouvez choisir. Faites le choix là maintenant. Comme les gars ne peuvent pas regarder cela, ce qu'il en est de regarder. Ils se sont dit qui Josué, peut-être tu as vu ouvrir. Hein? Qui va encore servir? Non, nous. On va suivre Dieu jusqu'à ce que. Josué ne les a regardés. Regardez la vision. Regardez la vision. C'est tourné vers le peuple dit, vous êtes témoin que c'est vous-même qui avez décidé de suivre Dieu. Parce que ce qu'il était en train de voir était terrible devant Dieu. Ce que Josué voyait était terrible. Il dit, vous êtes témoin entre vous que c'était vous qui avez choisi. Parce que souvenez-vous, il va se lever pour vous faire du mal, après vous avez fait du bien. Il voyait exactement ce qui était devant. La génération l'est passée. Ils ont eu de bonnes choses, mais la vision que l'homme avait vue à l'Occident était affichée là. Quand c'est affiché, vous allez tourner jusqu'à ce qui est arrivé. La Bible déclare que toute la génération qui n'avait pas connu ces choses-là sont passées. Et l'autre génération qui n'a pas connu ces choses-là sont levées. Quelqu'un de fait une statuette, dit que voici ton Dieu. Quelque chose ne va vraiment pas avec lui. Et ce que le prophète avait vu et dit est effectivement arrivé. Moïse leur a dit, rassemblez-vous et vous dira ce qui vous arrivera dans la suite des temps. A-t-il dit ça, frère? C'est tourné là du côté de l'Occident encore. Il a vu la chose. Quand il a vu la chose, il se prend la tribu, il balance ce qu'il va balancer. Après il dit, peuple au courroie, si vous êtes rebelle à Dieu comme je suis, alors que je suis au milieu de vous, à combien plus forte raison quand je n'en serai pas là? Qu'est-ce qui va arriver? Il dit Moïse, qu'est-ce qu'il se raconte? Vous voyez pourquoi il faut avoir la communion avec Dieu pour savoir ce que Dieu pense de nous, afin que nous puissions nous réformer. C'est bien de savoir la pensée de Dieu nous concernant, afin de pouvoir nous réformer. Ne cherchons pas les approbations humaines. On peut dire que oh, tu n'as rien fait, mais dans ton cœur, tu sais exactement ce qu'il en est. On peut t'apprécier, te donner des acclamations. Il peut prêcher comme ça, vous dites, le frère Junior est comme ça, mais vous ne connaissez pas exactement ce à quoi il passe avec le Seigneur. Est-ce que vous pouvez connaître? Non. Il faut que nous soyons au clair avec le Seigneur, chacun pour sa part. C'est pour cela que les sentiments humains, vous avez ceux qui sont avec moi depuis, je leur dis toujours que ne me défendez pas. Parce que ce n'est pas un combat humain. Vous entendez, on dit quoi de moi? Vous êtes dans un milieu, on dit quoi de moi? Je suis allé à la radio. La dernière fois, il m'assoit pour le temps de faire l'émission qu'on devait faire. J'étais assis là, il y a des filles qui sont là. Parce que quand ils ont entendu ma voix, ils savaient qui était question. Chacun restait tranquille. Quand je suis allé, ma femme était là assise. Quand je suis allé en studio, ils ont commencé. Ils ne savent pas que c'était ma femme. Le gars là, il est là, ça veut dire les choses. Tout le monde est faux. Il dit, quand tu entends ce message, c'est comme si tout le monde était faux. Waouh, waouh, waouh, regarde comment il s'habille. On ne voit même pas la gloire de Dieu sur lui. Alors que quand les pasteurs viennent ici, ils ont les vestes, regarde-le. Tu ne peux même pas savoir. Il vient en babouche avec un petit culotte comme ça là. On ne peut même pas savoir qu'il est pasteur. Regarde comment il est. Waouh, il tirait mon nom, ça. Ma femme était à côté. Après, ma femme a ri. On a ri ensemble. C'est une grâce. Vous savez, je suis comme le torchon. Je prends ça, j'absorbe l'eau, j'appuie sur Jésus. S'il pouvait voir Jean-Baptiste amener en studio là-bas. Jean-Baptiste arrivera en studio comme ça là. Que race de vipères, il se remet que celui-ci, il faut le mettre balancer plutôt en bas. Pourquoi? Parce que, je dis bien, je ne m'en plains pas par rapport à ça. C'est pour ça que je veux vous dire que chacun a ses faiblesses. Ce sont les faiblesses. C'est normal qu'il rejette ainsi pour que ceux de l'extérieur, ceux-ci puissent recevoir. Parce que le moment va arriver où il va dire certainement, quitte ici. Le moment va arriver où certainement il va dire, quitte ici. Alors, qu'est-ce qui va en être? Ça sera terminé pour ici. D'autres vont recevoir. Va donc de ce côté. Donc, il faut qu'on fasse attention. Lorsque nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, les gens vont dire du mal. Dis du mal, vous ne pouvez pas contenter ce qu'il en est. Fais à Capernaum ce qu'on a entendu faire. Fais ta propre patrie. Fais ce qu'il en est. Comment on peut se retrouver ici comme ça? Vous ne pouvez pas savoir ce qui arrive. 3 jours, la sorcellerie, une puissance de sorcellerie dans un pays africain, à l'extérieur, on a de parler comme ça en direct dans la télévision. En train de prier comme ça, là, la personne vomit comme ça à distance, dans la télévision. Ouais, la personne se tient là-bas, il dit, il dit que mon frère, il t'a menti, il ne dit pas, c'est pas cela. Il dit, c'est pas ça, tu n'as pas dit, oui. Des sorciers. Ils vont recevoir. Donc, il dit, si vous entendez, on parle de mal contre le frère, n'essayez pas de défendre que c'est pas ce qu'il a dit, laissez à quelqu'un porter sa, chacun porter sa part. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi m'examiner devant le Seigneur pour voir si je suis sur la ligne. Si je suis sur la ligne, tant que je suis sur la ligne, que si quelqu'un dit n'importe quoi, c'est son problème, ils ont le droit de dire. Quand le Seigneur a dit que sort, ils sont sortis. Ceux-là voyaient par quoi ils chassaient. Ils ont conclu, non? Que toi, tu ne vois pas que c'est Belzébul, le prince des démons qui fait ça. Comment il a fait pour voir que c'est le prince des démons qui a fait ça? Vous voulez dire quelque chose, soyez vrai. Notre cœur est le point de contact. Là où le Saint-Esprit lance ses filets. Notre point de contact, là où le monde et le diable lancent également ses filets. Le point de contact, c'est le cœur. Et par conséquent, le cœur ne doit pas et ne peut pas être neutre. Il doit être entretenu. Entretenu par quoi? Soit parce que nous voyons. Parce que je sens de vous la dire, j'ai pris le cadre de l'enfant pour montrer que si cet enfant s'est grandi dans l'atmosphère où il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télévision, il sera proche de la sainteté. Le contact avec le monde nous souille. Le contact sur toutes ses formes. Vous allez vous asseoir dans un taxi. Vous dites, il faut maintenant que je sois moi. Moi, je ne suis pas de ce monde. Une conversation sur le petit améthysme, sur le sexe engage là-bas. Tu tournes la tête pour regarder dehors. Ton cœur est tourné ici. Ton cœur se souille, se souille, se souille, se souille. Tu rentres là-bas avec la conversation à l'intérieur de toi. Les images sont imprégnées. Petit à petit, ça se construit. Petit à petit, ça se construit. Et puis, un de ces jours, tu commences à avoir des images érotiques. Vous appelez les couches de nuit. des phénomènes nocturnes commencent à arriver. Vous dites, d'où est-ce que je suis venu? Ça a été planté à l'intérieur. Le cœur doit être entretenu. Je vais vous expliquer le pourquoi. Je veux que votre attention, vraiment, je prends au mieux de langage simple pour que vous saisissiez cela. Observez le prophète Abraham à l'ombre sur la chaîne de Mamré dans Genèse chapitre 18. Observez la communion qu'il a avec Dieu là-bas, jusqu'à ce qu'il puisse repérer Dieu parmi trois personnes. Observez son neveu Lot en plein milieu de la fournaise des péchés. Il ne peut pas distinguer entre deux anges. Il les appelle ses seigneurs. Il se prosterne là-bas devant et il lui peut dire n'importe quoi. Je veux que vous suivez attentivement Lot. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 que ce Lot-là, à cause des agissements criminels, de ce qu'il voyait et entendait, ça tourmentait journalièrement son âme. Je veux que vous compreniez ce qu'il en est. Je veux que vous imaginez ce qu'il en est. C'est de ça que je suis en train de parler aujourd'hui. On dit, je viens de prendre le cas de taxi là, avant qu'il nous conduise là-dedans. Vous êtes dans le taxi, tu entends des choses, ça tourmente ton âme. J'ai dit, je l'ai dit ceci, le cœur ne peut pas être neutre, ça doit être entretenu. Quelque chose, une histoire doit être racontée sur le cœur. Une histoire doit être racontée sur le cœur. Alors, cet homme-là, ça se tient là-bas, il entend un enfant accoucher, et c'est pour ça que vous avez les breaking news dans le monde. Des images choquantes dans le monde, pour que ça aide votre sensibilité. Des images aussi des préparations à admettre. C'est ce que le média fait. Vous dites, ah, on a publié la liste des 50 homosexuels dans le gouvernement. Les débats font bon trait à la télévision. Les débats font bon trait à la radio. Ça fait bon trait. Tu es là, tu es en train d'écouter. Ça te prépare. Sache qu'il y a les homosexuels. Sache qu'il y a même les grands qui sont homosexuels. Sache que l'homosexuel fait partie de la nature. Sache que l'homosexuel. Tu es en train de prendre ces informations-là sans t'en rendre compte. Un de ces jours, on te dit en route que le gars là est homosexuel. Dit que oui, vraiment, hein, homosexuel. Ok, c'est son problème. Vous avez vu jusqu'à quel niveau votre âme est partie. L'âme est partie jusqu'à admettre le péché. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 1 que non seulement ils admettent ceux qui le font, mais ils, souvenez-vous, dans ces Romains-là, la Bible entre vous là dit qu'on devait condamner ces gens d'actes. Mais aujourd'hui, la Bible déclare que nous couvrons ceux qui le font, on approuve. Vous voyez là où la génération est en train d'aller. C'est le principe des médias là-bas. Lorsque quelque chose se prépare, la guerre va se préparer, on prépare quelque chose. L'accusation, il y a la guerre de destruction massive là-bas. Il y a la bombe là-bas. Par conséquent, qu'est-ce que ça? Ces bombes, on crée les films, on invente les films pour préparer sur... Vous voyez dans les films comment les bombes là font boum, boum, quand ça fait boum, les populations sont déstabilisées. On fait les études des bombes, des films. Suivez-moi attentivement. On fait des films en Pentagone. On commence à montrer que, ok, si la bombe est frappée à New York, combien de personnes doivent être évacuées? 2 millions de personnes. En l'espace d'une heure, ça va contaminer deux régions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller intercéder le terroriste à la source. On prépare l'opinion à accepter du fait qu'on va aller physiquement pour attaquer un président dans un pays. Alors, on voit la télévision, on met la télévision, on bombarde le camp des salariés médecins, on voit la télévision, on ne dit absolument rien. Ce qui ne pouvait pas être admis est admis aujourd'hui facilement. Pourquoi? Par la préparation mentale contre couvre les médias. Et par conséquent, le cœur n'est pas tranquille, le cœur n'est pas trop. Mais l'autre, lui, j'arrive au niveau de là où vous allez voir l'implication du fait qu'il était dans cette société. L'autre, lui, était à l'intérieur là-bas. La Bible déclare dans le Nouveau Testament qu'il tourmentait journalièrement son âme à cause de ce qu'il... Et je pose la question. Le Seigneur jusqu'à dire que ce qui était au temps de l'autre va venir. Comment est notre état d'âme alors que nous suivons ces choses et que nous voyons ces choses? Sommes-nous tourmentés? Si c'est non, nous avons admis ces péchés. C'est le diagnostic fatidique de la Bible là maintenant. Nous avons admis ces péchés. Par conséquent, on peut continuer à regarder les séries où les femmes et les femmes s'embrassent. Ça ne fait absolument rien, puisqu'on connaît ça partout. On reste dans un jardin public pour se reposer. On voit des amoureux là-bas, une fille qui assure un garçon, et ça entremasse, ça ne fait rien à personne. On va au niveau de la plage où les filles tournent leurs fesses partout. Ça ne fait rien à personne. Pourquoi? Parce que les films nous ont préparés à voir cela. Et on ne trouve plus ça comme péché. Mets-toi devant une piscine ou bien devant un parc où les gens se font les amoureux et tu prêches contre, contre cela et vois maintenant comment la police va venir te charger maintenant pour montrer que notre génération est prête pour recevoir le feu de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Notre âme est entretenue. C'est-à-dire, notre cœur a été annexé par les produits mondains. Et par conséquent, notre âme ne sent même plus le péché. On ne peut pas admettre que c'est le péché. On va dire, laisse les gens être libres. Quelqu'un est libre de disposer son corps comme il le veut. Tu lui poses la question, celui qui a mis le cheveu, il dit non. Vous me suivez? La Bible déclare donc, à l'issue de la destruction de la vallée de Tsoar et de là où l'autre, tout le pays de Gomorrhe et Sodome, la Bible déclare que les deux filles, suivez-moi attentivement, les deux filles de l'autre, la grande et la petite, se sont dit qu'il n'y a pas d'homme dans ces contrées. On est d'accord? Ces filles étaient vierges. N'est-ce pas? Subitement, l'aînée et la petite sœur ont dit que faisons boire à nos pères pour qu'elles soient sous, on couche avec lui. Je vous pose la question. Comment une jeune fille qui est vierge peut avoir ce genre de pensée? D'où est-ce qu'elle a pris l'environnement dont elle a grandi? La dépravation sexuelle avait pris de l'impureté. C'est que même la vierge était déviégée étant à l'intérieur. Elle est seulement passée à l'acte parce que son esprit était déjà déviégé. Sa pensée était déjà colonisée par les agissements criminels et sexuels qui s'est passé là-bas. Par conséquent, elle a dû faire fort plus que les sodomites. Saouler son père. Il y a des choses qu'il pourrait développer là-dedans, mais ce n'est pas du goût de notre oreille. Pour faire ces choses-là. Le lendemain, il dit, ok, toi, on se passe à l'acte. Regardez bien. Et regardez ce que le peuple là-bas fait par la suite à Israël, la race sainte. Regardez. Regardez ce que le peuple là-bas fait à Israël. Pourquoi? L'union illicite. Où est-ce qu'elle en est? Pourquoi? D'où est-ce que c'est venu? Ces jeunes filles qui étaient vierges, si elles avaient grandi dans un autre environnement, elles n'en seraient pas ainsi. Regardez l'atmosphère où se trouve. En plein milieu, où on dit clairement que les anges sont arrivés dans la ville, les hommes se sont réunis du plus petit de la ville au plus grand. N'est-ce pas terrible? Vous dites que le monsieur a pris l'ampleur. On dit du plus petit, donc, ça veut dire que là-bas, il y avait le viol. Il y avait la pédophilie. Puisque si les enfants étaient parmi, les enfants se couchaient, comment un enfant peut avoir le désir sexuel? Du plus petit jusqu'au plus jeune. Aujourd'hui, on entend dire la pédophilie. Seulement, on a coupé la tête d'un enfant de 2 ans là-bas. Personne ne s'élève pour dire que ça doit cesser. Personne ne s'élève. On a reconnu telle personne là-bas, le corps de tel endroit. Ces jeunes filles ont été prises là-bas. On a vu le corps, les organes mutilés. Ça ne dit rien à personne. Pourtant, dans une nation qui se respecte, les juges d'instruction ou bien les procureurs de la République doivent taper le pain sur la table qu'il faut qu'une enquête soit ouverte. Le magistrat aussi voit la télévision comme tout le monde. Il dit, vous savez, un de ces jours, il y avait un bandit qu'on poursuivait là-bas à Yaoundé. Le bandit, le grand matin, on poursuivait le bandit. La population était derrière quand il y avait les vindiques populaires. Où le bandit marchait avec un long fer comme ça. Il tirait son sort. On avait la tabassé jusqu'à qu'il avait son fer en son main. La population était derrière. Il dit, bandit. Il fait crou, il commençait. Quand il se tourne, chacun recule. Après, il continue, avec le sang partout. Ils arrivent quelque part maintenant, voilà, deux gendarmes qui sont en train de boire de la bouillie là-bas le matin. Ils mangent aussi, les gendarmes vont se mettre à peu près en bien tenue. Ils font comme ça que, c'est quoi? On dit que c'est le bandit, le gendarme. Vous allez quel pays nous avons là? Vous savez, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut faire ce qu'il faut. Alors, le gendarme se tient là-bas, il dit c'est quoi? Il dit bandit, il a fait quoi? Il a volé. Le gendarme parlait, vous savez, il avait un beignet dans la main gauche et la bouillie à la main droite. Il a dit que, et pourquoi on ne l'arrête pas alors? Alors un garçon s'est fâché dans la folie, il dit que votre travail ici au pays c'est quoi? Vous êtes les gendarmes, allez l'arrêter. Il dit que ton travail c'est quoi? Depuis que tu l'accompagnes chez lui, tu dis qu'on l'arrête pourquoi? Que depuis que c'est toi qui allais l'accompagner chez lui, depuis que tu manges avec lui, tu ne peux pas l'arrêter. Vous savez, on a des choses, les conduites criminelles, des notions criminelles, des pensées criminelles. Par conséquent, ça résulte en des armes criminelles. Quand vous voyez des films où l'enfant peut prendre la chicotte, tuer son père, prendre les armes, tirer son père, on présente ça là. Vous pensez que quand vos enfants sont en train de voir ça, ils sont en train de se préparer à quoi? Je veux que vous méditez bien à ceci. Quand vous voyez les films où les enfants commencent à faire « Ouh, magie, viens vers moi, faites ceci, la magie va venir, mais vous savez cette histoire de Tiji là. Faites comme ça, et la magie va venir vers moi, faire, c'est super, boum, quelque chose sort de l'écran. Et la magie vient, ouh, tu vois, on a trouvé maintenant le truc qui était perdu, ouh, l'enfant est en train d'être initié à quoi? Génération perdue. Alors, sont ces choses donc construites donc des personnalités en nous. C'est-à-dire des différentes portions et spots habités par les démons, des portes maintenues vivantes, où les démons pourront passer pour faire leur œuvre plus tard dans nos vies. Et par conséquent, vous allez avoir un enfant, des gens calmes, que plus tard vous entendez qu'ils ont commis, c'est un crime. Vous dites, qu'est-ce qui arrive à cette personne-ci? C'était une bombe à retardement qui a fini par exploser. Que faire, Église du Seigneur Jésus? Que faire? Le Saint-Esprit ne nous a pas laissés orphelins. Il est là. Souvenez-vous, c'est ce que l'Esprit a dit à l'Église. Il dit que ceux qui sont en leurs oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Le Saint-Esprit a parlé. Qu'est-ce qu'il a parlé? Je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands. C'est la voie. Répands-toi. Vous voyez effectivement, quand on parle de repentir, la dernière fois, il y a un frère qui pose la question, comment on va faire ça avec Munici, il y a du travail. Tout ce que je viens de citer là-bas avec les petites constructions que Satan a fait dans nos vies depuis l'enfance, vous pensez qu'il a pris quel temps pour le faire? Vous prenez je sais que tu m'aimes mon cher. Vous prenez une marmite que vous avez eu à préparer sur du bois. On a préparé tous les deuils du village. Non, laisse-le. Tous les deuils du village, le conduit qu'on a préparé, c'est sur cette même marmite, on n'a jamais lavé le derrière. Et tu entends aujourd'hui, tu viens en ville, tu vois qu'il y a une marmite qui brûle devant et derrière. Tu dis que maman, on veut laver ma part. Tu prends le couteau, tu veux aussi laver un jour que ça soit propre. Vous avez essayé de laver la marmite comme ça. Les choses noires qui sont derrière, vous voulez que ça soit comme celui qui peut passer sur le gaz. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est-à-dire qu'on a accumulé des fautes, des fautes, des fautes, des péchés, des abominations en nous. Il faut donc la déconstruction systématique, continuelle, perpétuelle de ces choses-là. C'est le nettoyage. C'est cette voie-là, c'est ce document que vous avez. Donc quand je vois, je dis, vous avez lu? Je dis, oui, j'ai déjà lu. Ça m'amuse. Ça m'amuse. Tu as lu? Oui. Tu es resté comme ça? Oui. Quelque chose ne va pas. Allez seulement dans la Bible. Mirez-vous seulement de la bonne manière et sortez du même, je vois. Vous dites, je vais au miroir. Je regarde au miroir, j'ai les restes de matelas sur ma tête. Tu vas au matelas. Je dis, va passer dans le miroir là. Tu vas passer dans le miroir. Tu reviens, tu dis, tiens devant moi. Il dit, mais la personne a vu cela, n'a pas enlevé. Mon frère, tu es allé au miroir dans la chambre? Oui. Tu t'es vu dans le miroir? Oui. Est-ce qu'il était question seulement que tu peux regarder le miroir, tu te regardes? C'est pour regarder et redresser. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, si tu vas au miroir, je reviens en voyant que tes cheveux ou bien ton foulard, tu as bien attaché, ma soeur. Alors, tu as compris, c'est que le miroir t'a reflété. Que je suis allé au miroir, j'ai vu le miroir. Le miroir était comment? Je me suis vu dans un point. Mais celui qui aura plongé son regard, c'est ce que la Bible dit donc là, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, se mettant à l'œuvre, celui-là est heureux. Ce qui est écrit, tiens, là, lui, oui, c'est trop difficile, il y a trop de travail. Alors, vous restez comme ça. Saint-Esprit, viens. Vous allez chanter Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Nous accueillons, nous, toi, ça, c'est la musique. Pour qui vient, c'est autre chose. Il y a ses principes à lui. C'est ça. Vous allez l'expérimenter. Nous avons des faiblesses. On peut admettre cela déjà. On peut admettre cela comme que c'est acquis que nous avons des faiblesses. Alors, le Saint-Esprit nous dit d'avancer vers Dieu. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avons lu Marc au chapitre 4 et le Saint-Esprit nous a arrêté sur verset 7. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Au verset 7, où le Seigneur a parlé de cette pierre précieuse, cette semence tombée au milieu des épines. Vous vous souvenez? Il faut qu'on fasse attention. Parce que la parole est semée au milieu de beaucoup de tribulations, beaucoup de choses qui grandissent autour de nous. Et nous avons vu ça développer dans les péchés là. Vous entendez que la parole va entrer aujourd'hui. Et que tu as d'ailleurs eu, quand tu étais enfant, tu as vu le film de Rambo. Le film de, vous appelez 669 ou 69 ou bien, comment vous appelez, Black Star Ninja. Interdit au moins de 18 ans, tu avais 2 ans, tu voyais. Vous pensez que vous allez voir aujourd'hui là, vous dites la parole que le Seigneur, il est venu libérer les captifs. Que non, quand le jour que tu as écouté, tu as eu le Saint-Esprit. Vraiment. Que le jour que tu as écouté, tu as eu le Saint-Esprit. Parce qu'il donne ça gratuitement. Le ciel est tellement impur qu'il donne comme ça. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Les choses saintes, ce n'est pas pour les chiens. Donc, si vous comprenez la nécessité d'avoir la nature du Seigneur, approchons-nous davantage vers lui. Et ça, c'est une œuvre d'intimité, un travail d'individuel à individuel. Quand vous allez prendre la décision, souvenez-vous de ce qui a été dit dans ces Marc chapitre 4, verset 7 là, quand vous allez prendre la décision, comme le Saint-Esprit a dit la dernière fois, les choses vont se lever pour étouffer. Et là, maintenant, je vous lance dans le défi de sortir d'ici, de préférer des programmes maintenant, où vous devez travailler continuellement dans la parole. Et revoir les coups de fil qui vont venir, les soucis de la vie qui vont se ressurgir pour montrer que c'est planté autour de toi. Ça ne fera pas surface tant que tu n'as pas pris la décision pour continuer avec le Seigneur. Mais ça veut dire que tu n'as pas voir cela comme problème. Mais prenez la décision, vous allez voir effectivement les épines commencer à s'élever contre vous. Mais vous êtes obligé de passer par ci, par ici, par cela, pour que le cœur s'entretienne désormais par la parole. Donc les faiblesses ont les racines dans le cœur non entretenu par la parole. Les faiblesses ont les racines dans le cœur non entretenu par la parole. Et Satan, écoutant, prenant tout obstacle, prenant toutes les tactiques qu'il peut disposer de lui, prend sa source dans ces différents points, dans ces différents points de nos cœurs. C'est ça. Les faiblesses prennent racine, prennent leur source des racines dans notre cœur. C'est dans notre cœur que ça se trouve. Vous suivez mes bien-aimés, sœurs et frères. Quand je reste debout, je parle, je cite la Bible, vous notez, c'est parce que je sais que si je vais prendre la Bible, on commence à lire, on va durer. Donc mieux j'explique, sachant que vous allez rentrer dans ces versets. Je prie que vous rentrez quand vous rentrez dans ces versets. Donc je vais vous raconter donc une autre histoire de la Bible pour que vous voyez ce que je suis dit depuis, pour que vous compreniez la nécessité. Mais si le Saint-Esprit veut que nous y allons, on va y aller. Du coup, si Dieu permet, on va lire ces passages et puis aller quelque part. Le personnage Jacob. Le personnage Jacob dans la Bible est un personnage fascinant pour montrer cet état de cœur non entretenu qui est coopté par Satan afin de faire son œuvre. Le personnage de Jacob. L'un des aspects de ce personnage, c'est quelqu'un qui aime Dieu à l'intérieur, mais dans ses œuvres, dans la pratique, trompe, ment et peut utiliser n'importe quelle situation pour pouvoir réussir. Il parle de Jacob. Vous avez entendu parler de Jacob dans la Bible, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Dieu fait lorsque vous êtes son enfant, comme le cas de Jacob? Vous montez, vous descendez. Si ces choses se trouvent dans votre vie, tôt ou tard, il va vous mettre devant une situation, il va falloir que ça se résolve. Il dit bien tôt ou tard. C'est pour ça qu'il dit ici tout à l'heure quelque chose, vous m'avez regardé un jour, j'ai quitté rapidement. J'ai dit que la chose chrétienne, la vie chrétienne que vous avez dans la Bible, là, c'est une vie tellement bonne que vous ne pouvez pas limiter sans en être conscient, si vous êtes conscient. Parce que vous voyez quelqu'un, la vie de la sainteté, vous ne pouvez pas imiter cela. Pourquoi? Parce qu'une nature doit vous être communiquée afin que vous marchiez. Si ce n'est pas comme ça, tu vas faire l'effort. Après, je vous entends quelqu'un qui dit, j'ai fait l'effort, quand il fait, il tombe toujours dans le péché. Il fait comme ça, il tombe toujours dans le péché. C'est parce qu'il arrive. Parce que cette nature n'est pas là. C'est un peu comme l'histoire qu'il raconte chaque fois que vous prenez le canard, vous prenez les canetons et les poussins, vous les faites grandir ensemble, il n'y a pas de problème. Ils vont faire ils vont avancer. Ils avancent vers quoi? Hein, frère? Il y a la fraîcheur. Ils avancent vers quoi? Vers l'eau. Arrivé en bordure de l'eau, on va savoir le vrai coin qui traverse l'eau. Pourquoi? Parce que la nature du canard, lorsqu'il a été constitué, il a ce qu'on appelle les palmes. Et ces palmes-là se fait, lui permet de débarrasser de l'eau. Cette pression de l'eau-là est avancée. La poule n'a pas ça par nature. Donc même si la poule voudrait faire, il n'a pas la possibilité de le faire. Lorsqu'il a la possibilité de l'eau, il dit que je suis canaille, je suis chrétien. Vous comprenez. Je suis chrétien. Ça ne se passe pas par la bouche. Il a dit, vous êtes le sel. Si tu es le sel, entre dans la nature, qu'on teste pour que ça soit le sel, on voit. C'est la lumière du monde, brille donc. Brille, lorsqu'il y a la corruption, ouvre la lumière là-bas. Lorsqu'il y a l'entendre, il y a le mensonge, prêche la vérité, on voit. Vis dans la vérité. La vérité, c'est là où on s'attend. Vous dites, ici un chrétien, vous savez, ces policiers-là qui avaient vu le frère Jeannot, il avait arrêté en état de il avait, pour une faute, quand il conduisait le taxi. Le policier dit, écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Le frère Jeannot regarde comme ça, mais c'est sûr que vous savez, là, ces choses-ci, c'est sûr que c'est un chrétien. Il dit, mais mon frère, vous êtes chrétien? Il dit, oui, c'est parce que je suis chrétien qui demande seulement 4000. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Il dit, tu es chrétien. Il dit, qu'il est chrétien. Vous attaquez à quelqu'un, dit qu'il est chrétien catholique, mais la vie qu'il a mené, vous savez, ce n'est pas je suis chrétien. C'est pour ça que je t'en ai dit que le canard et la poule vont se confronter au niveau de l'eau. L'épreuve, c'est au niveau de l'eau. Ou bien quand il pleut, qu'il y a l'inondation, le canard peut s'en sortir. Il peut se stabiliser sur l'eau. Mais la poule sortante, elle va se fatiguer la mort. Pas vrai? Pourquoi? Parce que d'abord la nature ne lui a pas été accordée d'avoir cela. C'est pour ça que je lui dis que n'essayons pas d'imiter la vie chrétienne sans en être. C'est qu'on sera conscient que malheureusement, beaucoup de personnes dans le monde entier qui pleurent ainsi, pleurent comme ça parce qu'ils n'ont pas commencé de la bonne façon. D'autres ont décidé maintenant que désormais, il faut qu'ils mettent ma vie en règle. Il faut qu'il aille à la fornication. S'il a pris ça sous l'égide du Saint-Esprit, ça marchera. S'il a pris ça parce qu'il a écouté et qu'il veut devenir chrétien, ça ne marchera jamais. Il dit que je vais avancer, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer. Vous avez arrêté de fumer. Aujourd'hui, j'ai arrêté de fumer. Attends, aujourd'hui n'est pas fini. y a aujourd'hui, encore demain. Il y a l'autre aujourd'hui, après demain. Et chaque fois que tu vas passer, il y a L et B est là-bas, Delta Bright est là-bas. Sinon, on va savoir ce qu'il en est. Mais quand le Fils vous a franchi, la Bible dit que vous êtes réellement libre. Regardez toute personne que le Seigneur a rencontrée dans la Bible quand ils avaient des faiblesses. Regardez comment elle a entré là-bas, résolu les faiblesses. Là. Vous voyez cela? Seigneur, si c'est toi, fais que je viens. Viens. Pour lui, c'est tout. Viens. Tant, tant. Satan. J'entends Satan dire, Pierre, et si tu t'es noyé, si tu arrives là sur le fantôme, il te prend et disparaît avec toi. Tu vas dire que, il dit, hé, hé, hé. Le bateau est loin, la personne est loin. Oh. Alléluia. Maintenant, quand la personne est noyée, maintenant vous voyez la faiblesse. Oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. La foi. Donc, le Seigneur est à l'œuvre. Ces faiblesses-là, Dieu nous attend avec cela au devant de lui. Vous devez identifier. Nous devons identifier nos faiblesses. Parce que si nous ne les identifions pas, nous allons continuer à pleurnicher. Je veux que vous saisissiez. Quand je suis en train de dire, je vais doucement, c'est que vous saisissiez. C'est que les gens veulent que les problèmes se résolvent dans leur vie sans qu'ils ne sachent. Ils veulent que d'un coup de bâton magique, boum, ça se résout. Dieu peut le faire parce qu'il est Dieu, il est Dieu, il est souverain, il peut le faire pour certaines vies. Mais en règle générale, il ne le fait pas ainsi. Dieu veut attirer notre attention parce qu'il sait que dans ces problèmes, en venant pleurer vers lui, ça va entretenir cette relation-là qu'il fait avec nous. Et malheureusement, les gens ne veulent pas se laisser en relation, mais ils veulent que quand ils ont des problèmes, ils viennent à Dieu, on fait poum, ça sort. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Les problèmes que nous avons doivent nous conduire au Seigneur. Pas pour que ces problèmes se résolvent, mais pour que nous entretenons les conversations. Que nous ayons des débats. Venez et plaidons. Vous savez, vous entendez cet appel du Seigneur? Dieu dit, venez et plaidons. Dans ce livre d'Isaïe, au chapitre 1, verset 17 à 20. Venez et plaidons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu dit ça. Il dit que, il sait que tu viens, tu es pécheur. Mais il te promet déjà comment ça va être, ce que ça va devenir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, venez et plaidons. Plaider, c'est quoi? Viens parler de ta part. Viens parler. Vous m'invoquerez et vous partirez. Avant de partir, il faut faire quoi? L'invoquer. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Il dit, si. Vous me cherchez de tout votre cœur. Vous avez vu la condition qu'il a mise là-bas? Oh Seigneur, la cantique qu'il fait qu'on chantait là tout à l'heure, là que si tu invoques moi, appelle, il te répondra. J'ai fait exprès de ne pas chanter la deuxième partie. La deuxième partie dit que si tu as des problèmes, appelle, il te répondra. Vous voyez comment on entretient les gens? Quand il y a des problèmes, il invoque Dieu. Donc, tu te souviens toi que quand tu as des problèmes, tu invoques Dieu? Non. Tu n'as pas invoqué Dieu quand tu as les problèmes. Vous devez avoir une affinité pour que tu aies le problème, que tu n'aies pas le problème, que vous continuez à parler. L'enfant avec son père à la maison ne parle pas quand il a le problème. Si un père dans une maison, chaque fois qu'un enfant, le père entend con dans sa chambre, l'enfant rentre, il papa, j'ai besoin de l'argent de bénir. Quand il finit de prendre l'argent de bénir, il sort. Il part jouer, il va l'acheter. Mais quand ça finit, la prochaine fois c'est quand, papa, mon ballon est percé. Il part, il donne. La prochaine fois, pam, papa, mon but est fini. Vous-même, vous allez poser la question sur cet enfant, pas vrai? C'est pas ça, frère. Mais pourquoi nous savons ces choses et nous faisons ça pour Dieu, avec Dieu? Hein? C'est comme ça, il dit, votre propre enfant, vous avez accouché. S'il fait ça à la maison, d'abord, c'est la mère que vous allez accuser, que voilà les enfants, ça sort dans ta famille, que ça sort. C'est pas ça. Ces habitudes-là, c'est ça que nous amenons du côté de Dieu. Et on commence à chanter ça comme ça. Si tu as des problèmes, appelle et te répondra. Par conséquent, tu joues ta vie comme tu veux. Tu as des problèmes. Et c'est ça qu'on essaie d'entretenir les gens dehors. Beaucoup de personnes viennent donc dans le milieu parce qu'ils savent que Jésus répond aux prières. Ils viennent là-dedans une fois, deux fois, trois fois, ils ne voient pas, ils disent, mais on peut acheter le marabout parce que le problème n'est pas résolu. Dieu ne veut pas que tu viennes pour ces problèmes parce que ces problèmes, c'est pour qu'on comprenne effectivement qu'il y a une volonté derrière. Donc il faut qu'on ne présente pas des faux messages aux gens en disant que viens, si tu es stérile, Dieu va te guérir. Il va te guérir. Il ne savait pas qu'il devait guérir Sarah pour plus de 25 ans. Il ne savait pas qu'il devait guérir Anne. Il attend, on traumatise Anne jusqu'à chaque jour. Elle pleure parce que ses yeux sont sortis comme ça des années pour qu'il donne l'enfant. Ne pouvait-il pas faire cela? Il donne juste à ce qu'on vend, les prostituées versent ça chaque fois où c'est. Les marabouts donnent le remède, on enlève ça chaque fois. Les médecins font de ça leur commerce. Toi, tu cherches à chaque fois, tu pries, Dieu ne donne pas. Tu ne comprends pas que c'est pour un but qu'il le fait. Lorsque tu as assimilé que c'est pour un but, que le mariage n'est pas pour l'enfant, tu vas avancer. Le moment où tu t'attends, le moment où tu commences à faire comme ça, pour le faire, tu viens de malaise. Tu vois, c'est venu quand? Parce qu'il fait dans le silence. Mais viens au Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir la grossesse. Viens, notre Dieu est puissant. Frère Junior, viens ma soeur au Cameroun qu'elle n'accouche pas. Je vais te l'amener vers elle. Vraiment, hein. Frère Junior, disputer les enfants. Frère, je n'ai jamais mon frère là-bas comme ça là. Sa vie ne donne pas, son commerce est parti. Donc il faut qu'il restaure son argent. C'est-à-dire que Dieu a dit que j'ai l'impression que ton commerce te fait éloigner de moi. Je vais te montrer ce que c'est que la souffrance. Il l'enlève. Et puis moi, il vient que Seigneur, au nom de Jésus, j'envoie le feu sur ta main. Toi qui as levé son commerce. Que tu laisses son argent, j'ai fait ça. C'est pour ça que les gens viennent vers moi, chaque fois ils posent des problèmes. Quand ils finissent de poser des problèmes, ils disent que tu as écouté tel enseignement. Oui. Disons un peu tel passé de la Bible. Tu t'embrouilles là-bas, tu t'embrouilles quand tu passes, encore une mention, même pas ton problème. Tu pars quand tu passes à la maison, tu me dis, je t'avais l'occasion, regarde, on ne va pas parler de mon problème. Vous savez, parce que je t'aime et je m'aime aussi. Je ne peux pas aller prier Dieu au nom de Dieu pour le chasser. Non. Vous savez, est-ce que vous me saisissez? Quand vous voyez quelqu'un vient t'expliquer, comme une femme que j'ai rencontrée aujourd'hui, elle m'explique son problème. Quand elle explique, elle met la main sur la joue comme ça. Il dit, avant de venir ici à l'assemblée, j'étais assis là avec elle. Elle l'explique. Quand elle explique, je suis avec vous ici. Pendant qu'elle est là-bas, elle explique, je suis avec vous. Lorsqu'elle finit d'expliquer ce que c'est qu'elle avait moi, maintenant, elle continue à parler ce qu'il t'en avait dit. Pour que ce ne soit pas sur moi qu'elle a de les décharger ses soucis. Elle dit comme ça, elle met la main comme ça, elle fait, tu m'écoutes même frère. Il dit, je t'écoute très bien ma soeur, continue. Je ne suis pas celui qui ôte les problèmes. Je n'ai pas le pouvoir de ôter les problèmes. Parce qu'en réalité, si je te raconte les miens, soit j'ai toujours eu à raconter ça chaque fois, il raconte chaque fois. Un de ces jours, il y avait un garçon à l'université, quand il donnait cours à l'université, je n'aimais pas prendre l'argent. J'ai commencé à enseigner les gens, j'ai enseigné la Bible partout, j'ai enseigné. Et je rentrais souvent tard fatigué. Un garçon était dans le quartier, il était venu au moins 3 fois à la maison. Il m'a cherché, il ne m'a pas vu. C'était un garçon du sud. Il a dit l'une des choses que je n'aimerais jamais entendre. Je n'aime pas quand on essaie de tribaliser les choses. Ou on va dire que toi, tu es de quel pays, tu es de quel village. Je n'aime pas ça, ces choses. Alors je me tourne, je suis sur le lit en train de me reposer. Il dit que tu fais ça parce que je ne suis pas un bambiliqué. Le sommeil est fini. J'ai dit pardon. Donc je fais, tu es venu, tu m'as cherché, tu ne m'as pas vu parce que j'en étais fui parce que j'ai pris l'engagement, j'ai été donné les cours de mathématiques gratuitement. Je donne à tout le monde. Je vais chez les gens, la personne dit que le gars est encore venu, il est encore venu. Je viens chez toi, je toque te prendre pour te mettre au tableau pour enseigner les mathématiques pour ton avenir. Je le fais comme ça, je ne prends pas de l'argent. Je l'ai pris dehors, je suis venu dehors. Vous savez, j'habitais chez quelqu'un, un garçon, je ne connais pas, on n'a pas d'affinité familiale. On s'est retrouvé, je dormais là-bas, je vous ai expliqué cela plus fort. Je me tiens là-bas devant lui. Il lui dit, tu habites chez qui? Il dit, chez mon grand frère. Il est quoi? Il est militaire. Tu as combien par jour pour le donner? Il me donne la somme. Il dit, ok, je vais t'expliquer. J'ai fait le baccalauréat étant à la maison. Personne n'a payé ma pension. J'habitais dans une maison seule. Enfin, je n'aime pas à la Genèse. J'ai expliqué une brève partie de la vie. Je n'avais pas l'argent de pension au point où j'attendais que mes amis partent fréquenter avec qui on a fréquenté. Ils venaient avec leur cours, je lisais le cours à la maison, j'ai composé étant à la maison. J'ai dû utiliser des stratagèmes pour qu'on envoie mon dossier comme candidat libre dans l'établissement. Il dit, tu as compris? Il dit, oui. Il dit, je n'ai jamais eu un 25 francs que quelqu'un me donne pour que j'avance à l'école. En fait, personne n'a été là pour que, si tu veux fréquenter, si tu ne fréquentes pas, je n'ai pas grandi dans une maison de discipline. Par conséquent, c'est dans ces difficultés que j'ai eu toutes ces choses, mathématiques, physique, chimie, que tu peux savoir là-dedans, et j'ai soif de transmettre cela aux gens, tout simplement. Il dit, toi, tu as de l'argent, l'école est à proximité, tu te rentres, tu as ton lit, là où je suis, où tu es venu m'appeler là. Si on me dit ici que sors, je n'aurai pas où aller, je vais continuer à dormir là-dedans. Il dit, tu disais que c'est à cause de Bamileke, tu as compris, l'âme coulait dans ses yeux, quand ça coulait, je suis entré à l'aide dehors, il était calé dehors comme ça, il regardait comme ça, que dans le gars, il souffre comme ça. Il dit que je n'ai pas couler mes souffrances, crier sur le toit que je souffre. Parce que c'est que c'était un processus, c'était Dieu faisant. Vous saisissez, n'est-ce pas? Quand il partait donner le cours de mathématiques à l'université, en faculté de sciences, FCDA là-bas, il donne cours, les gens insultent, ils insultent, D'abord, ils me voyaient comme je suis court. Je donne cours, un des le premier jour que je suis venu donner le cours, j'étais en culotte. J'étais assis au milieu d'eux, ils ne savaient pas qui j'étais. Un professeur avait fait cours, et puis j'étais au milieu, j'attends que mon heure arrive. Quand mon heure arrive, je donne encore 5 minutes, le temps que les retardataires copient ce qui est au tableau. Après, il m'avance au tableau, je prends le chiffon, son défoncé, il dit, hé, Kouga là, qui l'a tué face à toi, me sentir. Ça veut dire ce que la thèse peut faire. Il me tourne, il dit, c'est quoi? Il dit que non, laisse, le professeur mathématique n'est pas encore venu. On finit de copier. Il dit, vous n'êtes pas mathématique maintenant, il dit oui. Vous savez? Il dit, mais c'est moi que le professeur de mathématiques, chacun a baissé la tête beau comme ça pour que c'est ça. Après, il leur enseigne. Il finit, quand on perd de l'argent, je repère ceux qui sont dans le besoin parce qu'il sait les repérer. Je répète ceux qui sont dans le besoin. Quand on est à l'université, les gens s'habillent bien. Il y a des gens qui ils se débrouillent seulement pour bien s'habiller. Parce que le milieu là impose cela. Mais je peux les repérer parce que je suis un habitué de la souffrance. Il les appelle de côté. Il prend cet argent, je lui donne que va. À la fin du trimestre, lorsque j'ai fini d'enseigner, j'ai dit fin de cours. Maintenant, je me tourne vers eux. Et c'est tout ce qu'ils vous ont entraîné, c'était du satanisme. Chacun baisse encore la tête comme ça là. Il dit maintenant, je vais vous enseigner ce qui est pour Dieu. Je sais que les étudiants sont comme ça. On aura au moins 15 minutes où ils vont bombarder. Quand ils seront fatigués, quand ils seront calmés, je vais avancer là, je vais avancer. Et c'est comme ça que plusieurs ont été convertis avec les Bibles. Plusieurs, jusqu'à présent, sont encore là. Mais qu'est-ce qui est là? Quand les gens sont à l'université, quand ils font les belles filles, j'enseignais chaque fois, ma femme était derrière, assise au milieu. Elle était derrière, voyez. Et de ma femme au milieu de vous, dit que qui peut t'épouser, qui peut t'épouser, ma femme était au milieu. Alléluia. Après beaucoup, plusieurs sont des hauts cadres ici, quand ils me voient, ils me disent, monsieur. Ils me voient toujours, même qu'il l'autre, je n'ai pas évolué, je n'ai pas changé. Même qu'il l'autre. Je dis, mais le monsieur, vous faites comment? C'est le Seigneur Jésus. Suivez, frère. Le milieu, vous n'influencez pas le milieu va vous influencer. Donc votre cœur ne doit pas être neutre. Maintenant, comme nous savons donc cela que le problème c'est le cœur, nous devons prendre le temps devant le Seigneur avec ce cœur-ci. Il a dit déjà, mon fils, donne-moi ton cœur. Ça veut dire qu'on soumet son cœur à sa volonté. Ça ne veut pas dire que tu enlèves ton cœur que prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Ce n'est pas ça dont il est question. Dieu veut parler avec toi. Il veut parler avec toi de façon audible, directe, sincère, dans la Bible. Dans la Bible. Et c'est justement ça, les distractions sont mises de côté de nous. Ah, 19h30, vous lisez la Bible. 19h25, 26, 27, vous allez lire la Bible avec les yeux, les oreilles, sans les savoir pour si la série a commencé. Quand ça commence, Marie, Maho, je ne sais pas ce qui passe maintenant. On ferme la Bible. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour les raisons. Amen. Avant de dire Amen, quand on a déposé la Bible, on est devant la télévision. La distraction. Dieu ne fera pas cela. Souvenez nous, on peut se tromper comme ça pendant des années. Et puis on se fâche que depuis Dieu ne répond pas à mes prières. Dieu a donné la promesse dans ce Jérémie chapitre 33 que j'ai cité, chapitre 21. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et je vous répondrai si vous me cherchez de tout. Donc il veut dire, l'engagement doit être sans réserve. Il veut dire, l'engagement doit être sans réserve. Le Seigneur veut dire, l'engagement avec lui doit être sans réserve. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu, Luc chapitre 13, dans le livre de Luc chapitre 14, verset 33, il dit, ainsi donc, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc l'engagement doit être total, total et sans équivoque. C'est-à-dire, lorsqu'on, enfin, il a dit cela dans la Bible, quand tu avances, ne regarde pas derrière. Que ce soit bien devant, que ce soit mal devant, ou n'importe comment, tu dois être avec lui. Parce que lui, il a pris ce chemin-là. Marchant de Jérusalem, descendant ces ruelles-là, remontant ces petites collines-là, ces pentes pour monter à Golgotha, n'a pas été facile pour lui. Le chemin a été plus long que le chemin qui tend de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Le chemin qui tend de Jérusalem pour la colline de Golgotha a été difficile et le plus terrible pour notre Seigneur Jésus-Christ que de quitter ce montagne de la Gethsémané pour arriver au niveau de Golgotha. Mais il a parcouru, il a admis, il a accepté, il a fini sa course. C'est lui qui déclare qu'il nous a laissé dans un chemin afin que nous accomplissions les mêmes choses, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ne venons pas au Seigneur parce que nous avons besoin de la nourriture. Ne venons pas parce que nous avons un manque qui nous vient. Aimons-le tout simplement et laissons son amour couler au travers de nous. Souvenons-nous, ça doit s'entretenir par une méditation constante, permanente, durable de la parole. On est d'accord? Maintenant, je reviens dans là où j'étais. Donc, ce personnage de Jacob a une personnalité que Dieu va traiter. Dans Genèse chapitre 32, donc, Dieu nous présente donc la face, comment il traite ce genre de situation. Il appelle la personne tôt ou tard à ses responsabilités, afin que la personne confronte sa situation tôt ou tard. Mais c'est à une condition que tu aies été appelé de lui. Si tu es appelé, choisi de lui, il va te faire passer par là. C'est pour ça que la Bible nous donne plusieurs injonctions dans la Bible en disant que nous ne voyons pas comme une épreuve, comme une peine, les fournaises auxquelles vous êtes confrontés dans le monde. Il dit qu'il faut que ça arrive. C'est pas qu'est-ce qu'il dit. Il faut que ça arrive. Ça doit arriver. C'est l'épreuve de notre foi. On doit l'admettre ainsi. Alors dans ce Genèse chapitre 32, donc, dans Genèse chapitre 32, un de ces jours, il savait très bien que son nom était intimement lié au titre dont il avait usurpé. Et tôt ou tard, Il devait confronter cela. Il a envoyé les femmes devant pour dire que si vous défendez d'abord, que si vous voulez tuer les serviteurs, le temps que le camp arrive, qu'on en pient. Il a mis les bœufs devant, mettre les biches devant, mettre les gros bénins, donnez-lui. Et Isaïe vient comme ça, coach. Il dit, qui vous a envoyé? Une serviteur, et Jacob, il est où? Il est loin derrière. Tournez-vous ici. Coach, on avance. Et le gars en danse, moi, coach, je vais dans sa direction pour dire que je vais être traité aujourd'hui. Amen. La Bible déclare qu'il passa une nuit quelque part. La nuit qui a changé toute la chose. Vous voulez qu'on aille dans la Bible là maintenant pour voir ce qui s'est passé? Allons-y donc dans le livre de Genèse, chapitre 32. Pendant que vous allez chercher Genèse, chapitre 32, notez également Jacques, chapitre 1, on va y revenir. Et on va sortir avec Romains chapitre 8, que j'ai donné la dernière fois. Genèse chapitre 8, versets 1 à 14. Donc, notez Jacques chapitre 1, on va y arriver après, juste après ce verset-ci. Donc, prenez le temps de lire ceci. Tu es dans Genèse, non, n'est-ce pas? Voilà. On y va. Lisons Genèse chapitre 32. Il veut lire, quoi qu'il veut lire, c'est pas long, donc il peut lire c'est quelques une trentaine de versets. On peut lire. Suivez attentivement donc dans votre Bible. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Pour dire quoi? La rencontre des anges ne changera pas ta nature. Si on invoque les saints, ça ne changera pas ta nature. Donne les monuments, construis les églises, donne à Dieu. Remarquez bien ce qui se passe là-bas. La nature à l'intérieur, ça ne changera pas. Construis les églises où tu dis que si tu mets ton tête à l'hôtel, le côté droit de l'hôtel, ça ne changera pas ta nature. J'espère que vous voyez ce que le Saint-Esprit va nous présenter. Donc, si tu construis l'église, tu dis l'église des Mahanaïm, l'église des camps de Dieu, l'église entre pauvres sortis riches. L'église de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Quand t'es en terre, même là, on a mis la pierre tombale. Ça ne change pas la situation dans ta nature. Avançons. Vous avez vu qu'il a rencontré des anges. Il a dit, waouh, voici le camp de Dieu, Mahanaïm. Maintenant, avançons. En les voyant, j'ai lu verset 3, Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü. Esaü, c'est son frère, d'accord? Son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il lui donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servants et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Vous pensez qu'est-ce qu'il cherche? Vous pensez que qu'est-ce qu'il cherche? C'est vrai qu'il y a des profondeurs dans la réconciliation juif-musulmane lorsqu'on va toucher cela par rapport au pays des Séis, des Dômes, par rapport à tout ce que Dieu a prévu. Mais il faut qu'on reste sur l'aspect prophétique par rapport à nous là maintenant. Il a tout ce que l'homme peut désirer comme matériel. Il dit qu'il est en train de trouver grâce aux yeux d'Ésaü. Si vous lisez la Bible par derrière, vous rentrez plus derrière. Lorsque leur père va mourir, la Bible déclare qu'Ésaü avait conçu une haine contre son frère. Il dit, si vous lisez derrière, la Bible déclare que vous me regardez comme ça, vous ne lisez pas la Bible, vous me faites comme ça, vous bougez la tête, vous faites les yeux comme ça, comme si vous voulez qu'elle lise ça pour vous. Je dis, derrière, quand son père, avant que son père ne meure, la Bible remarque, Esaü a remarqué que son père, oh mon Dieu, enfin, avançons ici. Voilà, maintenant nous sommes au verset 6. Le messager revint auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü. Et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Donc il a envoyé le message à lui de transmettre la nouvelle. Qu'il fait tout grâce à tes yeux. Le gars continue son chemin. Pourquoi il fonçait vers lui? Vous savez, vous voyez quel traumatisme ça peut aller. Pour quelqu'un qui avait dit que je vais te montrer, tu vas voir. Il a dit, se diriger vers toi avec 400 hommes. Touche à guérir. Vraiment nanti. Parce que quand il était petit, il était déjà plus fort. Il était à fort. Quand il fermait les yeux, il tuait la biche. Imaginez maintenant, à l'âge avancé, maintenant, quand il était déjà vraiment assis à l'intérieur, il a formé les hommes d'élite. Avançons dans la lecture. Et il dit, si Esaü vient, non, je crois qu'il sautait là. Ah, regardez le verset 7, les quatre premiers versets. Jacob fut très effrayé. Il a cité le matériel, appelé son frère, son seigneur. Ça n'a pas changé quelque chose. Je veux vous arriver. Il dit, il faut que notre faiblesse nous conduit à Christ. Je vais prendre cet exemple. On va prendre le livre de Jean. Puis, sortir avec le livre de Romains chapitre 2. La Bible déclare que Jacob fut très effrayé. Pourquoi très effrayé? Parce que le message n'a pas eu un écho favorable, n'a pas répondu. Que je trouve garde à tes yeux, le gars ne sait que foncer vers toi. Et saisi d'angoisse, je veux que vous saisissiez. Ah frère. Et saisi d'angoisse. Un, il est effrayé. Deux, il est saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui. Les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Esaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui reste pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Vous avez vu ce que je vous ai dit cela, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a sorti, il a laissé promener lui tranquillement. Aller gagner les trucs, gagner les trucs. Dieu a dit, ah, vous parlez de Dieu. Il a dit, retourne dans le pays. Je te ferai du bien. Et c'est là où son frère là se trouve. Celui qui avait dit plusieurs années plus tôt que je vais te traiter. Dieu l'envoie là-bas sans lui dire que, comme il dit que retourne dans ton pays là, tu vas rencontrer Esaü à ton frère. Prends courage, je suis avec toi. Ne lutte pas, hein. Ne lui fais pas du mal. Il dit retourne. Point final. Point final. Tout ce qui va se passer se trouve dans retourne. Jacob a envoyé le messager. Envoie le messager sur son bonheur, sur ceci ou autre là-bas. Ça n'a pas tourné. Ça n'a pas tourné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné vers qui? Vers le Seigneur. Il s'est dirigé vers le Seigneur. Que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de l'Éternel, c'est toi qui m'as dit, retourne. Pour te dire, pour dire quoi? Il y a une situation ici que ce n'est que toi qui peux gérer. Remarquez bien sa tentative de voir résoudre les choses. Il a voulu résoudre humainement, diplomatiquement parlant. Chercher la paix avec tous. C'est pas ça? Il a envoyé la paix. Est-ce qu'il a envoyé les gens aller combattre son frère? Non. Chercher la paix avec tous. Mais il y a un style de paix où c'est Dieu qui doit instaurer. Amen. Amen. La Bible dit qu'il s'est retourné vers Dieu. Il a dit que c'est toi qui as dit que je retourne dans le terre de mes pères. Et il a promis que Dieu a dit là quoi? Que je vais te faire du bien. Vous pensez que bien Dieu va-t-il faire alors qu'il a dit là que Dieu l'a béni partout. Il a traversé le bâton. Dieu lui a donné des serviteurs, des servants et autres. Vous voyez ce qu'il s'en est dit, n'est-ce pas? Jacob a compris qu'il a un problème et que ce n'est que Dieu qui peut résoudre. Il a tenté humainement, ça n'a pas marché. Donc, il se retourne vers qui? Vers Dieu. Donc, si tu as un péché, peut-être c'est la boisson, peut-être c'est la masturbation, peut-être c'est le mensonge, et que tu n'as pas pu. Souvenez-vous de l'enseignement, résolvons nos problèmes à fond. Ou bien, chrétiens, regardons la vérité en face. Souvenez-vous de ces enseignements-là. Il faut qu'on sache que, un, on n'a pas de puissance pour résoudre cela par nous-mêmes. Deux, nous avons vu cela dans les enseignements, que ne nous tournons pas à un homme pour chercher ces solutions-là. Pasteur, je ne sais pas comment il fait avec la fornication. Le pasteur te regarde comme ça, que lui-même comme ça, il a trois femmes derrière. Il dit, vous savez, Dieu m'étonne souvent, c'est terrible. Je me souviens de cette femme-là, un de ces jours qui est venue au niveau de l'assemblée, quand on se réunissait là-bas à Coiffe, non pas Coiffe, c'est à Anchafer. On a fini de prêcher comme ça, là, et Dieu nous supplie toujours vers la fin. Vous savez, quand vous faites votre chose, il lui fait sa part. Il finit de prêcher, il prend le mouchoir, il fait ma Bible comme ça, il dit que, commence à chanter. Je chante. Il commence à chanter, il dit, quand il dit cela, il sait que quelque chose va se passer. Comme il a dit retourne là, quand il dit retourne, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. Tu retournes, tu marches comme ça. Soit tu n'es pas parce que quelque chose va sortir d'un moment à l'autre. Il retourne. Mais il ne dit pas que tu vas rencontrer, il n'explique pas les différentes étapes. Mais nous allons voir que dans toutes les étapes, Dieu sera avec lui. Alors je me suis tenu là-bas, il commence à parler. Quand il commence à prier, en fait, pendant qu'on finissait, il y avait une femme qui sortait, elle a fait son sort, comme les femmes sont toujours pressées parce que les maris vont les enfermer dehors. Elle a sorti, elle est vers le dehors. J'ai commencé à approcher, parler maintenant que c'est pour les femmes maintenant. En fait, je crois que ce jour, j'avais dit que ce jour-là maintenant, c'est pour les femmes. Les femmes, la prière qui est ici, c'est spécifiquement pour les femmes. Ah, vous pouvez voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Spécifiquement pour les femmes, elle a commencé à prier. Quand elle a entendu, elle était dehors, comme ça, elle a entendu, elle partait déjà. Quand elle a entendu cette annonce-là dans la salle, elle est rentrée rapidement. Que même si le mari ferme la porte, elle est encore là. Vous dites, priez pour les femmes. Oui, elle s'est assise là-bas. Or, c'était pour elle que le Seigneur faisait cela. Quand on a commencé à prier, voilà, POM! J'ai entendu André, Ayombande! Ayombande, la personne qui fuyait, qui partait là, c'est Mbayombande. C'est le doigt là qui parlait dans la salle. J'ai dit Ayombande, ça veut dire quoi? On dit que c'est chaud, c'est chaud. Elle dit qui m'a amené dans ce feu. Ayombande, je ne peux pas dire ça en doigt là. Qui est doigt là ici? Qui peut dire que qui m'a amené dans ce feu? Bon, de toute façon, c'est même pas le parler en langue. Même pas une interprétation. Donc, c'est ce qu'elle disait. Alors, elle dit Ayombande, qui m'a amené dans ce feu? Le feu, Agatao, Katerinao. J'ai dit wonderful, c'est quoi cette histoire? Comment elle parle? Que laissez-moi sortir, je veux sortir. Donc, j'ai demandé ce que le démon disait avant qu'on a commencé à parler. Je suis venu prendre cet exemple pour vous montrer ces choses-ci, le pourquoi il veut pas aller vers un homme pour rechercher la solution merveilleuse au Seigneur. C'était la femme d'un évangéliste et il a trois femmes. Elle était la troisième. Et c'est la deuxième comme ça qu'il a possédé. Et ils sont dans la même assemblée. La deuxième est sorcière. Donc, où est-ce qu'on se retrouve? Vous dites. Je pense que tu allais prendre quelqu'un que tu as le péché, tu dis que je vis dans la fornication, mais couvre le pasteur. Vous allez verser pasteur que lui vit dans l'adultère avec les sorciers à la maison. Que pasteur prie pour moi. Il se met la main sur toi, le démon de sa première femme, de sa deuxième femme, de sa troisième, puis des démons entrent en toi. Tu rentres comme ça, tu es plus pire que la première fois. Vous voyez pourquoi le Seigneur dit qu'on ne se confie pas à un homme, n'est-ce pas? Qu'on se confie en lui. Prenez l'appui sur le Seigneur. Vous suivez, frère? Jacob a vu que personne ne peut résoudre son problème. Il s'est tourné vers Dieu. Regardons comment le Seigneur va faire cela. Suivons la suite de l'histoire. Verset 10. Je suis trop petit. Nous sommes dans Genèse chapitre 32, verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces jours avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Vous avez vu ça? Délivre. Oh mon Dieu. Moi, à votre place, je soulignerai, je noterai dans mon carnet. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Vous avez vu ce qui se passe en lui, n'est-ce pas? Mais le problème est plus profond. Voici sa crainte. Il sait que c'est Ésaü vient, voici sa réaction. Mais la question, c'est quel est le véritable problème? Le problème de fond, c'est quoi? Le problème de fond, c'est pourquoi Ésaü va venir et qu'il sait effectivement que si Ésaü vient, il va nous tuer les enfants, tuer les femmes comme ça. Il y a un problème de fond. Ce problème se trouve dans sa nature. Le problème de Jacob se trouve dans sa nature, c'est à l'intérieur. Verset 12, et toi tu as dit, je te ferai du bien. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Donc il voit effectivement que Dieu lui a donné la promesse. Maintenant, voici la mort qui est devant lui. Mais si tu me tues, tu le cancelles. Le sable là va venir d'où? C'est dans ce lieu que Jacob passa la nuit. Maintenant, le Saint-Esprit a pris le relais maintenant pour commencer à raconter. Suivez attentivement. C'est dans ce lieu que Jacob passa la nuit et prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. Vous avez vu? 200 chèvres et 20 boucs. 200 brebis et 20 béliers. Vous voyez l'offrande? Quand on donne un chèvre à un pasteur, il vient crier sur le toit qu'il a eu la dîme. Voici quelqu'un ici. 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient. C'est terrible. 40 vaches et 10 taureaux. 20 ânes et 10 ânes. Voilà l'offrande qu'il a donné. Mais ça n'a pas calmé la colère des âmes. Alors qu'il y a des gens qui se fâchent, ils entrent chez toi comme ça, ils te donnent comme ça une petite mata Guinness directement. Il dit que mon frère, il te raconte, mais c'est même pas l'autre qui avait fait, hein. C'est l'autre. Ça commence. Mais celui-ci, parce que le problème était à fond, ce n'est pas matériel. Parce que c'est pour le matériel, Ésaü lui-même était riche. Donc vous comprenez effectivement qu'avec le matériel, comment on dit que l'argent répond à tout là? L'argent ne répond pas à tout qui est tout. L'argent répond à certains tout. Amen. Maintenant, suivez attentivement. Il est remis à ses serviteurs, verset 16. Il est remis à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, pour que quand il voit une vague arrive, l'autre vague arrive, que ça baisse sa colère. Tu parles. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque chameau, pour que le gars entende le truc qui vient, l'autre encore derrière, hein? L'autre encore derrière. Pour que s'il entend devant que, waouh, waouh, il a le temps de détaler. Amen. Souvenez-vous de ceci. C'était le problème d'Ésaü et de Jacob, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que si tu as un problème et que c'est dans ta nature, mets ta mère derrière, mets ton père derrière, tôt ou tard tu vas confronter ça toi-même. Non, c'était ma tante qui avait fait que c'est parce que j'habitais chez elle, elle me donnait pas l'école que je suis allé dans les vidéoclubs, il n'y a pas de problème. Tu vas accuser vidéo, accuser ta tante, mais la vérité c'est que le problème est là, il faut résoudre. Vous pouvez saisir ça, n'est-ce pas? Ah, vous n'êtes pas content, hein? Il donna cet ordre au premier. Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Alléluia. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton seigneur, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait. Écoutez très attentivement. Je vous explique qui fait le Congo ça, de ce qui était sur le cœur de Jacob. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est un prophète ici, oh. Chacun va résoudre son problème. Donc, quand il a dit comme ça, il a dit que voici le plan. Il va donner ça. Quand il va voir un, ça, il dit waouh, deux, waouh, trois, waouh. Après, il va dire oh mon frère. Mais c'est Dieu qui incline les cœurs. Il y a des situations où c'est Dieu qui doit résoudre, c'est pas Dieu qui résout. Surtout ce que vous faites là, c'est les histoires. C'est pour ça que les gens peuvent faire la réunion familiale selon l'homme. La réunion familiale pour résoudre le problème là, c'est les bagarres qu'il y a là-bas, parce que même le planter, le conduire, que les gens devaient manger, on se balance l'un à l'un à l'autre. Mais une certaine réunion est organisée par le Saint-Esprit, quelqu'un se tient au milieu comme ça, qui n'a même pas ordre. Il parle comme ça, les cœurs se soumettent. Parce que c'est selon Dieu. Avançons. Verset 21. Le présent passa devant lui. Et il resta cette nuit-là dans le camp. Donc, pendant que ça nous avançait, il a passé la nuit sur place. Vous avez moi? Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servants et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. On y va. Jacob demeura seul. Souligné. Jacob quoi? Donc c'est pour dire quoi? Il a compris que ici c'est seul à seul. Ce n'est pas l'histoire de Léa, ce n'est pas pour Rachel. Même si elle est belle, il n'y a pas de problème. Même si l'autre a les yeux 14h, il n'y a pas de problème. Il y a un problème qui doit être résolu. Et alors maintenant, c'est seul à seul. Tu comprends, mon cher? Ok. La Bible déclare, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous avez vu ça? C'est la nuit que ça se passe. Quand, oh mon Dieu, c'est merveilleux. Quand il a dégagé toutes les protections humaines, quand il a déplacé toutes les protections, tout ce sur quoi il pouvait se relayer pour se protéger, il restait maintenant la confrontation avec un homme. Quelqu'un dit un homme. La Bible déclare donc, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous enseigne que dans ce combat, Jacob est entré physiquement. Physiquement avec cet homme. Parce que cet homme voulait lui montrer que tu as la force physique, mais le vrai problème pour résoudre, tu ne peux pas passer par le physique. Il a dû lui donner un handicap pour dire que tu as un handicap. Malgré que tu es physique. On dit, cet homme qui luttait avec Jacob ne pouvait pas dominer Jacob physiquement. Pour dire qu'il a la force physique. Mais l'homme a pu le frapper en l'embranchure de la hanche. Pour lui dire que tu as un handicap. Je ne sais pas comment c'est ici. Et ce n'est pas physiquement qu'on résout cela. Tu as un handicap. Tu es faible. Tu as une faiblesse. Tu as une porte ouverte. On avance là dans la lecture. Maintenant, suivez attentivement. Voyant, verset 25 encore, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, laisse-moi aller, c'est l'homme qui a dit, hein, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Écoutez, le résultat, c'est ce que Jacob dit à cet ange-là. Souvenez-vous, c'est un ange, n'est-ce pas? Enfin, souvenez-vous, c'était Dieu, pas vrai? Voilà. Maintenant, il a dit clairement dans sa prière tout à l'heure en haut que Dieu l'a béni. Il a traversé le torrent avec le bâton et il a aussi rentré avec des multitudes, n'est-ce pas? De quelle bénédiction Jacob est en train de parler puisqu'il sait effectivement qu'il a été béni. La première bénédiction a été prononcée sur lui. Qu'est-ce qu'il a en train de chercher derrière cet homme-ci? C'est un prophète ici Si c'est un homme simple qui est devant de lui, comment il demande des bénédictions à cet homme-là, alors que c'est lui qui est censé donner des bénédictions sur les hommes? C'est semblable, pas vrai? Vous me suivez? En tant que prophète. Mais il demande à cet être, à cet homme-ci, de le bénir. Que je ne te laisse pas partir. C'est vrai que 5 heures arrive. Il ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis. Qu'est-ce que Jacob est en train de chercher, puisqu'il a des 20 brebis, ceci, des tonnes de biens là-bas? Pas vrai? Il ne s'agit pas de biens matériels qu'il a de chercher. Il ne cherche pas de biens matériels parce qu'il est seul à seul là-bas. Il cherche une parole qui va résoudre son problème. Il cherche une parole qui va résoudre son problème. Il cherche une communion qui va résoudre son problème. Il cherche que quelqu'un lui dise quelque chose par rapport à son problème. Il cherche que Dieu lui parle par rapport à la situation qui le tenaille. Voilà sa bénédiction. Il veut dire pardon à Dieu, tu m'as béni physiquement, mais à l'intérieur, mon âme n'est pas bénie. Mon âme a des sérieux problèmes. Il faut que ça soit résolu. Tu m'as béni à l'extérieur, j'ai des femmes, j'ai des serviteurs en grande multitude. Il a dit ça en haut. J'ai des brebis, j'ai des boucs, mais mon âme n'est pas tranquille. Le bien matériel ne fait pas que tu te reposes dans ton âme. Que servirait-il à un homme s'il gagnait tout le monde, dit le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Donc, il avait le problème à l'intérieur. Suivons attentivement leur conversation. Verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Oh! Oh! Oh! Jacob se tient là devant cet homme. Il dit que je ne te laisse pas partir sans que tu me bénis. L'homme lui dit, quel est ton nom? Souvenez-vous, il cherche quel est le problème avec lui. Il est devant Dieu, il cherche quel est le problème avec son... Avec, c'est Jacob qui dit, je ne te laisserai pas partir que tu me bénis. C'est-à-dire, tu m'as béni physiquement, je suis dans les tourments. J'ai un vrai problème qu'il faut résoudre maintenant. L'homme lui dit, quel est ton nom? Qui est devant lui, Jacob? Il lui pose la question, quel est ton nom? Pour dire quoi? Souviens-toi de la signification de ton nom. C'est-à-dire, ton problème, c'est ton nom. Ah, frère, et la chose va changer. La partie, c'est voilà. La chose va changer. Alors, est-ce que dans la résolution du problème de Jacob, quand il voulait humainement résoudre, il avait pensé à cela? C'est pour dire, quand Dieu va résoudre le problème, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce qu'il connaît exactement quelle est la source, quelle est la cause du problème. Regardez ce que cet homme fait. Je ne te laisserai point partir que tu ne m'aies béni. Quel est ton nom? Souvenez-vous, je ne te laisserai point partir que tu ne m'aies béni. Il est en train de dire, j'ai des problèmes. La bénédiction physique ne me rend pas satisfait. J'ai des situations, donc je veux que tu prononces quelque chose. Il y a quelque chose d'autre. Un style de bénédiction que si tu donnes, je serai satisfait. L'autre aussi, c'est bien, oui. J'ai des enfants, oui, c'est bien. J'ai la femme, oui, c'est bien. J'ai du travail, oui, c'est bien. J'ai des serviteurs, oui, c'est bien. Je ne suis pas en paix. Le Seigneur lui dit, quel est? Parlez. Vous dites, Jacob demande aussi à cet ange-là, à cet autre homme-là, quel est aussi son nom. Lui, il lui dit que mon nom n'a pas de problème. C'est ton nom qui a des problèmes. Mon nom, lui, est merveilleux. Ils peuvent sauter là, coincer cette maison si vous pouvez savoir ce qui continue là-dedans. Dans ma Bible, là, inversement, continue maintenant à ce qui est écrit là-dedans. J'ai dit, il y a confrontation. Jacob lui dit que, Dieu lui dit que ton problème, c'est toujours au niveau de ton nom. Il dit que j'ai des noms. Ok, ton nom aussi, c'est quoi? Pourquoi il sache si les noms ont des problèmes ici dehors? Comment un nom peut agir sur un être? Il dit que mon nom est merveilleux. Yeshua. Mon nom est merveilleux. Mon nom n'est pas de ta dispensation. C'est vrai que ce n'est pas mon nom. Il vous a déjà posé une question ici dans un enseignement qui a parlé des gens qui m'ont posé la question dans le monde entier, que dis-nous clairement dans la Bible où il est écrit qu'il fallait prêcher en son nom et autres là. Vous savez, j'ai fait une autre question où il a dit, quelqu'un m'a posé la question, que montre-nous clairement dans la Bible où on a dit que Adam a fait le rapport avec Ève et puis ça règle le problème. J'ai dit, je vous envoie quelque part. Le Seigneur Jésus a dit qu'ainsi il est écrit que le Fils Christ souffrirait et que la repentance, il mourrait 3 jours. Il dit que les prophètes, allez me montrer. Voici l'un des endroits. Voici les endroits. Si vous comprenez le langage des prophètes, vous comprenez ce qui est écrit là-bas. Il dit, quel est ton nom? Il dit que mon nom n'est pas le problème, c'est ton nom qui a des problèmes. Jacob sondait donc le beau pour voir ce qu'il en est. Comment donc, si c'est le problème de nom, comment vas-tu effacer s'il avait ton nom? Il dit, permettez-moi la folie là maintenant, je vous le dis. Permettez-moi des folies. C'est pour ça qu'il a mis la Bible ici. Il dit, il vous lance le défi d'aller dans la Bible de découvrir cela. Parce que Jésus a dit ainsi, il est écrit dans les prophètes que le Christ souffrirait et que 3 jours après ressuscité et que la repentance du péché sera annoncée en son nom. C'est ça? C'est écrit dans la Bible littéralement. Mais je vous lance, il dit, il lance le défi, allez le trouver. Il se tient là devant cet homme alors qu'ils sont bagarrés. Il dit, quel est ton nom? Il lui dit, c'est ton nom qui a le problème, c'est pas mon nom. Il dit, quoi, ton nom c'est quoi? Il est merveilleux. Il ne peut pas lui révéler parce que le moment vient où ce nom-là, par la confession, ce nom-là, on aura le pardon des péchés. Si Jacob avait cela, il n'aurait pas besoin de bagarrer. Parce que la révélation se tourne dans le nom de Yeshua. Il dit, ce nom-là, lui, il est merveilleux. Son nom n'a pas de problème. Jacob, donne-moi, change-moi mon nom à Yeshua. Donne-moi un peu de qu'est-ce qu'il peut faire pour que Yeshua marche pour moi. Ce n'est pas comme ça. C'est pour l'époque marquée. C'est pour l'époque marquée. Il y a seulement des choses dans la Bible là. Je me souviens de Genèse chapitre 15 où cet homme-là, Abraham, s'est tenu là-bas en cette soirée-là. Il a découpé les oiseaux, il l'a mis là-bas, il l'a déposé. Subitement comme ça, boum, la terre a changé au devant de lui, il a vu l'obscurité. Ça a parcouru comme ça, il est allé à la croix avec le Seigneur. Là, dans votre Genèse chapitre 15, il a vu Christ crucifié comme ça, boum, quelque chose l'a saisi. Dit que quoi? Non, non, non, il ne faut pas que ça arrive comme ça. Dieu a dit que c'est à cause de cela que l'étoile va briller. C'est à cause de ça que les semences vont se multiplier. C'est à cause de ça. Il a vu la crucifixion de Christ, il l'a vu. Dans la Bible, c'est écrit noir et blanc là-dedans. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il dit, je vous lance le défi d'aller monter, il l'a vu. Mais voyez donc comme il l'a vu, alors on voit. Ainsi sera ta postérité. Regarde dehors, regarde, si tu peux compter, telle sera ta postérité. Mais comment ça va se passer alors que ceci en train de se passer comme ça là? L'impu avec le pu mixé, comment? Alors que les oiseaux ici viennent s'abattre comme ça par rapport au jugement. Pourquoi le jugement va tomber sur le sacrifice? Pourquoi le jugement va tomber sur le corps qui est sacrifié? Pourquoi? Abraham pose la question à Dieu. Il dit, il faut que ça arrive pour que les étoiles là se multiplient. Lisez votre Genèse chapitre 15. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Oui, il faut que ça arrive comme ça. Il y a seulement des choses à vous expliquer seulement. C'est seulement. Alors donc, le problème dont le Saint-Esprit nous conduit en disant, un, ce n'est pas charnel. Deux, la multitude devait passer humainement. Mais seul à seul, la personne devait confronter avec Dieu. Quand il a confronté avec Dieu, il cherchait une parole de bénédiction, une parole qui peut faire changer sa situation. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a regardé droit dans les yeux et dit que le problème se trouve au niveau de ton nom. C'était réglé là maintenant. À partir de ce moment-là, quand on sait que le problème est au niveau des noms, donc mon nom cause problème, il suffit de changer. Il suffit de changer. Donc nous avons besoin d'être en communion avec le Seigneur afin que Dieu parle spécifiquement pour notre cas. Il y a des choses dans cette parole qui, pour secouer, je vous le dis, secouer. Mais si vous étiez dans des conditions où je peux prêcher pendant 4 heures de temps, je dirais des choses là maintenant. 4 heures de temps où je peux prêcher jusqu'à ce que cette atmosphère-là, je sens que ça vous a envahi. Où la puissance de ce vent qui se trouve là vous envahit vraiment. Votre pensée est totalement unie avec le Seigneur. Et puis je dis, donne ces choses-là, vous saisissez. Quand les pensées et les cœurs sont unis là-dedans, alors qu'il est en train de parler, vous comprenez effectivement cette voix solennelle qui parle à votre cœur. Alors on ne sera pas ici, non, quelqu'un de penser à la réunion, quelqu'un de penser à ceci, disperser ainsi, et puis... Vous savez, le missile a été envoyé dans le cœur de quelqu'un ici, là, maintenant. Boum! Et puis, quelque chose s'est collé là-dedans, que waouh! Ça, c'est voici la clé, là, maintenant. Et avance. Que Dieu te bénisse, mon cher. Maintenant, regardez ici, j'avance ici. Verset 27 dit, « Il lui dit, quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Ah! Ça ne vous fait pas vouloir manger votre Bible, là, maintenant, frère? Donc Dieu dit, remarquez, je ne sais pas si vous me saisissez, j'ai fait l'effort de faire que ce qui est ici à l'intérieur puisse sortir là. Seigneur, quel est mon problème? La voix sort. Quel est ton nom? Tu penses que ton nom c'est quoi? Quelle est la définition de ton nom? Dieu répond de façon, il y a la réponse de Dieu. Vous montez, vous descendez, vous pouvez penser, et remarquez bien comment le prophète a dû penser. Il a pensé à mille lieux même pour réfléchir que le problème se trouve sur lui. N'est-ce pas frère? Je vous ai raconté l'histoire de cet homme-là. Je crois que... Non, c'est pas cette soeur, si c'est... Avec le colonel, nous sommes allés à Garoua. Non, c'est pas à Garoua, à Boya. Il a appelé la radio, il a dit, homme de Dieu, j'ai des problèmes. À la radio, il a appelé, pendant qu'on prêchait sur prophétie divination. Lorsque j'ai reçu son cours de philosophie, je lui ai dit que, va chez lui. Il dit, ok, frère, j'arrive. Il était étonné du fait que c'est ça moi qui me déplace. C'est là où on va sortir dans ces Romains chapitre 8, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors on a voyagé, on est arrivé là-bas, on l'a rencontré, il sortait de l'église. Il sortait de l'église. Avec les apôtres, ils étaient derrière comme ça. Ils cherchaient voir donc la personne qui parlait à la radio. On est venu avec le frère, avec le colonel Émile. Le colonel Émile, comme il est grand détail, comme il était en civil, on a garé la voiture là-bas, on est allé à la maison s'asseoir. Je faisais l'effort de ne pas parler parce qu'eux-mêmes, ils étaient sages là. Ils voulaient que quelqu'un parle pour qu'on sache qui est le pasteur. Mais ils ne voulaient pas demander qui est le pasteur qui parle à la radio. Si laissé tranquille, et taper le colonel comme ça que le colonel parle. Il dit que moi, c'est pas moi, mon ami, je suis colonel, c'est toi qui es pasteur. Alors le colonel Emile, c'était joué à la direction du colonel Emile comme ça. Il guettait. Le colonel dit, mais vous me regardez comme ça, c'est lui ici là. Alors tout le visage encore sont retourné, comme ça que c'est le petit ici. On était là-bas, 6. Il y avait cet homme, un des pasteurs, le colonel Emile, moi, sa femme et mon épouse. On s'est assis dans le salon. Il dit, homme de Dieu, il parle. Quand il parle, je vous dis, il parle, je ne suis pas là. Le meilleur moment pour moi d'être consolé, c'est quand vous bavardez. Quand vous bavardez, il vous fixe comme ça, je ne suis pas avec vous. J'étais en train de demander au Seigneur, tu m'as fait venir, c'est quelle est la situation. Apparemment, ils avaient, je crois que vous avez raconté cette histoire, ils avaient là prié là-bas, fatigués, ils ont fait les nuits de prière là-bas. On a dit que c'est parce que tu as eu des problèmes. Vous savez, on peut chercher le bouc émissaire. Et c'est l'une des choses qu'il ne faut pas faire. Quand vous n'avez pas de révélation du Seigneur, restez tranquille. Que d'appeler quelqu'un sorcier alors qu'il n'est pas. Vous allez rendre compte à Dieu, changer cette nature-là que Dieu a mis dans l'homme en disant que c'est un sorcier ou c'est un sorcier. Alors, c'est tenu là-bas dans la chambre, subitement, j'ai senti cette chaleur dans la maison. Quand cette chaleur est montée dans la chambre, j'ai dit, ah, c'est ici là. On dit, cet homme-là a la chaleur constamment. Et il est là, sa femme n'épouve pas, personne n'épouve, c'est seulement lui qui ressent cela dans la maison. Il dit qu'ils ont prié au bureau, on a dit que c'est au bureau qu'il a eu ça. Quand le Saint-Esprit est entré en action, c'est autre chose. Il dit, mon cher, le problème n'est pas parce que tu as eu le problème, le travail, ni parce que tu as des promotions. Parce que la promotion qu'il a eu, on lui a donné le terrain là et la maison là. Ce qui fait que c'est comme si c'était une bénédiction. Et d'après les pentecôtistes, les gens sont levés contre sa bénédiction. Alors j'ai dit que ce n'est ni les pasteurs qui sont le problème, ni les sorciers qui sont le problème. Mais c'est que tu es tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce terrain, c'est un démon est sorti du ciel dans les années 1900 quand il y avait la guerre. Tombé là-bas, il prend possession. Vous tenez là comme ça, chacun ouvre les yeux sortent comme ça, ça va devant, ça rentre. Le démon a pris possession là-bas. C'est un démon, c'est le feu. Vous avez vu le météorite. Ce qui descend, ça descend, il y a le flamme de feu derrière. Boum, propulsé là-dedans. Bam, il a tapé. Quand il a tapé, il a mis ses pieds là-bas. Il a dit que cette terre, c'est m'appartient. Pourquoi donc toi, tu es avéré, tu as commencé à ressentir? Parce que tu as la nature de Dieu en toi. Ce qui fait que ça t'est confronté à cette personne. Quelqu'un qui lui appartient, il passe là-bas, il passe même à l'intérieur de lui, ne seront pas. Pas en cuisine. Le démon est là comme ça. Tu passes à l'intérieur, tu ne dis rien. Mais toi qui as la nature de Dieu, vous habitez là-bas, vous avez des problèmes. Parce qu'il sait que tu n'es pas de lui, tu n'es pas de lui. C'est un problème dans la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais voilà maintenant, la parole prophétique est déclarée. La cause a été identifiée. Il croyait qu'on devait dire que, oh Seigneur, nous envoyons le feu en haut, à gauche, à droite, sur la terre. Nous creusons ça par la puissance du nom de Jésus. Nous enterrons toutes les flammes de feu, nous versons l'eau du Saint-Esprit sur ça. C'est pas comme ça. C'est la parole. L'ange n'a pas imposé la main sur Jacob pour dire que Jacob, j'enlève le J qui est sur toi. J'enlève le A là et le B. Non. C'est pas ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il fallait faire. Alors il dit, qu'est-ce qu'on va faire, frère? Il dit, prends la main de ton épouse. Il prend. L'autre pasteur qui te dirait, il dit que je veux voir vraiment ce qui va se passer ici. Il dit que sors hors de la limite de ton terrain. Oui. Sors. Marche comme Abraham marchait. Dit, je prends possession de ce terrain, c'est au nom de Jésus. Ça m'a été confié. Il a marché. On était à l'intérieur, on attendait, on continuait de conversation. Quand il a marché, arrivé autour, avec sa femme, elle prend possession de ce terrain, Quand elle a tourné, arrivé à l'autre côté, quand elle s'est mis là-bas comme ça, pam, c'était terminé. Quand c'était terminé, poum, c'était quitté. Viens t'asseoir, frère, viens t'asseoir. Bon, nous, on rentre sur le doigt là, c'est terminé. C'est tout. Il dit, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une pensée. Remarquez bien ce qu'ils sont ici, c'est parce que lorsque nous allons vers Dieu, n'essayons pas de résoudre le problème par nous-mêmes ou bien suggérons à Dieu la solution. C'est tout. Allait chanter n'importe quoi. Il est écrit dans son livre que c'est comme ça que celui-là partirait. Alors, on se tient là-bas. On dit c'est tout, mais non, on peut rentrer. Il dit c'est tout. Oui. Jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais eu de mal. Jusqu'aujourd'hui. Il ne se ressent plus ça. Parce que c'était comme le feu. Il s'asseyait là. C'est comme si on avait allumé le feu. Dans la maison, il marche. C'est comme si le feu qui est sous son pied. C'est parti. Alors, de prendre, dit je prends autorité sur tout esprit. Ce n'est pas comme ça. Foncièrement, tu peux dire cela, les petits esprits, on a fui. Il y a des autres que si tu ne vois pas, ils restent là, ils te cachent, ils te regardent comme cela. Quand je prends autorité sur tout esprit, le Seigneur m'a donné autorité sur tout pour toute puissance. Oui, ça c'est l'ordre général. Mais de façon spécifique, il a dit que ces gens ne sortent que par le démon. Qu'est-ce que tu en dis? Par le jeûne et la prière. Vous voyez? Il dit que mais cette catégorie-ci, il dit, je vous ai donné la puissance de tous les démons. Mais cette catégorie-ci, si tu ne jeûnes pas, ne prie pas, tu ne peux pas chasser. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Les problèmes qui nous tenaillent, qui tenaient notre nature et qui nous poussent à nous compromettre chaque fois avec le Seigneur, doivent être résolus devant le Seigneur seul à seul. Vous allez devant lui une fois, ça ne suffit pas à rester devant lui jusqu'à ce qu'il change cela. Oh Seigneur, frère Junior, il a pleuré jusqu'à quand il fait mon corps, mon cœur n'est pas toujours tranquille. Reste tranquille. Quand tu vas déjà devant vers Dieu, tu dis que ça n'est pas résolu, tu viens de frère Junior, donc frère Junior dépasse maintenant Dieu. Il dit que si tu pars devant Dieu, tu dis que tu as crié, ça n'a pas marché. Tu viens devant un homme maintenant. Le prophète lui, il a dit que si tu as un problème avec un homme, quelqu'un peut intercéder. Si tu as un problème avec Dieu, qui peut aller là-bas mettre le doigt dedans? Donc on veut me chercher pour le problème avec Dieu. Quand tu dis comme ça sur le téléphone, il dit que oui, ma soeur, oui. Oui, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi. Après, quand tu raccroches, il dit que Seigneur, aide-la à comprendre. Elle a une bonne prière, pas vrai? Hein, mes soeurs? On ne veut pas répondre. Hein? Ils sont obligés de vous dire la vérité. Quand je raccroche le téléphone, je dis que Seigneur, aide cette personne à comprendre. Je ne dis pas, oh Seigneur, j'envoie le feu sur ce démon. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je vous ai dit que j'ai appris du Seigneur. J'ai appris. Des choses, Dieu a utilisé des choses pour me conduire dans l'état où je me trouve. J'ai appris. Je me souviens à l'université quand l'une de ces filles-là est venue. Elle est venue vers moi. Oh, tel garçon, je regarde, il dit, ce n'est pas ton mari ici. Regardez l'être lui-même. C'est même lui, la Bible que j'ai même là, c'est même lui qui m'a acheté. Qu'est-ce qui veut me faire comprendre que comme elle a acheté la Bible, c'est sûr qu'elle même, c'est mon mari. Donc il faut que j'accepte. Mais elle vient comme ça pour la solution. Mais elle veut imposer sa solution. En sort, je vais l'accompagner, mais tout le monde, si une vision vient, je la regarde, elle enseigne. Je crois que c'est elle qui est en train de regarder. Je me tourne devant, elle enseigne. Je la tourne, je vois dans la vision, elle enseigne. Je regarde, elle regarde comment je suis debout, je suis calé comme ça. Elle dit, c'est quoi, frère Junior? Il dit, je t'ai vu enceinte. Il dit, hey, frère Junior, toi, c'est te dérange. Ça, c'est te dérange. Et je dis, ok, je t'ai vu enceinte. Un mois après, elle est tombée enceinte. Elle dit, frère Junior, prions pour que Dieu, vous savez, il dit que c'est Dieu m'a formé. Prions pour que Dieu touche son cœur, pour qu'il revienne à l'ordre. Donc, normalement, dans ce temps-là, j'ai prié au Seigneur. Maintenant, comme elle est enceinte, aie pitié d'elle pour que cet homme-là prenne sa position. J'ai pris 3 jours de jeûne. Je regrette mes nourritures que je n'ai pas mangé ces jours-là. Et mes mains là, il prie. Après le Seigneur, il vient, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, c'est quoi Seigneur? Il dit, tu te mortifies, pourquoi? Il dit, c'est quoi Seigneur? Il ne comprenait pas. Il dit qu'elle a voulu. C'est un scandale. Il dit, ce sont les choses qui m'ont désolé dans ma vie de foi. Que quoi? Ils sont en train de mourir comme ça. C'est elle qui a voulu. Donc, ce n'est pas une erreur. J'ai dit, ce n'est pas croyable. Donc, Seigneur, c'est un coup monté. Et elle dit oui. Il dit, elle veut même s'en dire. Il appelle mon épouse, il dit que dis à telle fille que je veux la voir, elle vient. Elle quitte loin, elle vient, elle dit oui. Il dit que ta grossesse n'est pas un accident. Elle dit oui, je sais. Je dis que c'est pas croyable. Ce n'est pas quelque chose que tu es tombé par erreur. Elle dit oui. Donc elle est allée s'asseoir quelque part, elle dit que ok, comme Dieu n'agit pas, je vais calculer ma période, elle calcule sa période, elle regarde la période féconde, elle va coucher avec le garçon pour que l'enfant tombe, pour que le garçon puisse l'accepter. C'est pas un crime ça? Et je suis en train de prier. Donc, appelez encore. Maintenant, je suis sec. Quand tu appelles maintenant, il te donne 7 jours, tu sais, on va gêner 7 jours, oui. Tu gênes, tu manges bien. Donc, vous devez comprendre que les problèmes doivent être résolus de façon spécifique. Vous savez, pendant qu'il dit que je vais gêner avec toi, mon jeûne, c'est la nourriture. Oui, pendant 7 jours-là, il mange bien pour montrer que ça ne les gêne. On m'a formé comme ça. Il dit, ok, c'est comme ça. Elle rentre, elle va voir ma femme. Qu'est-ce que le frère Junior t'a dit? Et il a dit ce qu'il savait déjà. Donc, pour elle, elle ne trouvait pas de problème. Elle a dit que c'était la grossesse là, que ce n'était pas un accident. Ma femme lui dit, ce n'était pas un accident. Il dit que oui, toi-même, tu ne savais pas. Donc, je suis là en disant que, oh, cette jeune fille est tombée dans le péché, Seigneur, aie pitié. Alors que la personne est consciente de ce qu'elle a fait. En me faisant me mortifier pendant 3 jours. Mieux c'est que Dieu me venait en secours, me dit que qu'est-ce que tu fais là? Si vous pouvez présenter à 7 jours, vous entendez que le pasteur est mort, dit qu'il est mort, quoi, il est intéressé pour une fidèle, tu parles. Donc il faut que chacun résolve son problème devant Dieu. Quand vous avez des problèmes de qui dérèvent de votre nature, Dieu n'a pas promis là-bas pour prier 2 jours. Il n'y a pas de verset où il a dit que prier 2 jours, il va répondre. Il n'a pas de verset là dans la Bible, là, il dit qu'un mois, il va répondre. Il a dit que vous prierez et je vous exaucerai. Point final. S'il exauce en 3 ans, il a exaucé, oui ou non? C'est s'il avait mis un jour, 2 jours de limite pour un cas et que tu as prié pendant 2 jours, tu n'as pas donné que les problèmes devaient se poser. C'est que tu veux dire que le Seigneur, tu as dit que c'est 2 jours après, tu vas me répondre. Et même s'il dit 2 jours là, il ne donne pas, tu vas lui faire quoi? Hein, mon frère? N'est-ce pas? Il a dit, je viens bientôt. Tu n'as pas de bientôt ce cas. Cette, problème, cette promesse de Dieu qu'il a dit, voici, je viens bientôt. Et depuis, il ne vient pas là. Montre que vous devez être patient. Donc, si nous prions, ça ne marche pas, prions, ça ne marche pas, prions, ça ne marche pas, prions, ça ne marche pas, prions, ça ne marche pas, prions, ça ne marche pas, prions, ça ne marche pas, prions, ça ne marche pas, prions. Maintenant, ça ne marche plus, pleurons, ça ne marche plus, pleurons, ça ne marche plus, pleurons, ça ne marche plus, pleurons, ça ne marche plus, pleurons. Voilà. Anne est montée au temple un an, elle a prié, ça n'a pas donné, deux, ça n'a pas donné, trois, ça n'a pas donné, la prochaine fois, c'est le pleur qui a engagé. J'ai compris que cela c'était fort. Que ça m'a dépassé par les hommes. Il a regardé comme ça que mais cette femme, qu'est-ce qu'il a réussi cette année-ci? Cette année-ci, elle est venue seulement à l'état d'ivresse, c'est quoi? Il dit, laisse-moi tranquille, il n'est pas bio. Laisse-moi résoudre le problème avec le type là. Amen. Mm-hmm. Maintenant, comment on continue ici dans ce livre de Genèse là? Quand je parle doucement, c'est parce que je vous aime. D'aller devant Dieu prier, il n'y a pas encore le résultat. Vous tournez vers un homme, vous venez de tenter Dieu. Ça montre que vous n'avez pas foi. Parce que la Bible déclare que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ce qui est écrit. Donc si on prie, ça ne marche pas, ça ne veut pas dire. C'est parce que tu as prié Dieu en imposant ta période. Ça ne doit pas être ainsi. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc il se donne le titre de souverain. En étant le souverain, il doit te répondre et peut te répondre comme il veut. Quand il veut, nonobstant tes pleurs et tes désirs. Vous suivez mes mains là? Frère Junior, il a pleuré, fatigué. Fatigué jusqu'à quand? Vous pouvez imaginer l'apôtre Paul, combien des années, combien il a souffert? Vous pouvez imaginer Moïse dans le désert qui a vu cette vision qui lui est venue. Il a vu le Seigneur jusqu'à crucifier. Il a vu vraiment comment la terre devait être bénie après cela. Après, il a dit, ok, dans ce cas, qu'est-ce que le choix lui a été présenté dans la vision. Il a dit, oh, je préfère quitter, avoir ça plus tard. Il a avancé dans le désert. Il croyait que quand il va arriver à deux ans, Dieu va lui parler. Un an, il ne lui parle pas. Deux ans, 30 ans. Imaginez comment il pouvait être dans le désarroi. Mais est-ce que ce que j'ai vu dans l'Égypte, c'était vrai? Je ne suis pas trompé. Et si demain, on me dit, maintenant que moi, voici, moi, je suis alors que je devais être héritier. Imaginez tout ce que Moïse a dû souffrir avec cette vision qu'il a eue. Et on prie une semaine, ça ne marche pas, on change de sujet de prière. Mais ce qui est bon avec nous, c'est que nous sommes constants dans la distraction, ça ne dérange personne. Et quoi, si vous avez soif, vous distribuez l'eau. Comment vous êtes calme comme ça? J'ai dit ceci, quand on est constant dans la distraction, on ne s'en plaint pas. Si tu vois le champion de ligue, si on était à la lumière, tu pars chez nous, tu vois le même champion de ligue. C'est pas ça. Hein? Mais tu pries, ça ne marche pas. Tu ne peux pas aller mettre le genou pour te prier. Ça ne va pas. Tu ne peux pas te coucher. Tu pries. Ça ne va pas. Tu ne peux pas te coucher là-bas pour prier. Prier la même prière. Souvenez-vous de la prière fervente du juste. Donc, on prie, ça ne marche pas. On prie, ça ne marche pas. On prie, ça ne marche pas. On prie, ça ne va pas. Couche-toi là-bas, pleure. Quand tu pleures, c'est pour ça qu'il a mis assez de larmes dans le corps plus que le sang. Parce que ça sort, ça ne dérange pas. Pleure, pleure. Ça va nettoyer même les yeux. Quand tes yeux vont être gonflés comme ça, bien même, il va dire que ça peut m'éteindre. Un peu, il te donne. Donc pleure. C'est le seul substance que ça sort des yeux, tu n'es même pas sec. Pleure. Ça pleure. Un temps, ça dépasse, tu bouges seulement la tête. Vous savez, mais quelqu'un pleure dedans, ça ne veut pas faire. Il monte seulement le doigt pour dire que ma part est venue sur la terre. Pleure. Il y a beaucoup de systèmes pour pleurer, beaucoup de techniques pour pleurer. Et là, si vous voyez quelqu'un de pleurer, vous savez, quand Job était en train de pleurer sa situation, il est resté là-bas. Ses amis, quand ses amis sont venus, ils ont vu l'état de Job. Chacun seulement fait comme ça là. Ils font ce que vous avez dit, que j'ai Wanda sur l'affaire là. Donc ils ont seulement regardé Job comme ça pendant combien de jours? Ils sont restés 7 jours comme ça, du coup, Job, wonderful. Que des choses. Moi, Wanda seulement sur eux. Ils sont restés comme ça devant Job, pendant des jours comme ça là, sans parler à Job. Chacun regarde seulement Job. Vous pensez, qu'est-ce qui s'est passé dans leur esprit? Ils étaient dépassés par l'événement. Parce qu'ils ne savaient pas quoi dire dans cette situation. Tu vois, on ne considère pas comment. Alléluia. Regardons encore le verset 27. Verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Maintenant, que me dit Jacob? Supplanteur, frappeur, escroc. Alors maintenant, analysons la chose. Pourquoi Esaü était fâché contre lui? Il a gardé la haine parce qu'il avait escroc. escroqué. Donc c'est le vrai problème là-bas. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait. C'est parce que c'est sa nature. Depuis le cas, il est sorti, il n'est pas venu arrêter le talent comme ça. Pour montrer qu'il ne blague pas, il n'est pas venu sur la tête pour blaguer. Il dit depuis le ventre, quand il est sorti, il a tendu la main, on a attrapé son talon. Pas vrai? Vous voyez quel genre d'homme il est là? Et cette nature-là, donc, il peut changer. Ce n'est que Dieu peut changer la nature. Souvenez-vous, vous pouvez modifier votre confort de votre maison, mais votre confort intérieur de votre cœur, seule la puissance du Saint-Esprit peut reconstruire ce qui a été détruit par le social. Seul le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, vous vivrez dans l'imitation. Et si vous vivez dans l'imitation, vous êtes ce qu'on appelle vraiment l'hypocrite à l'état pur. C'est-à-dire, c'est faire passer pour ce qu'on n'est pas. C'est pour ça qu'il dit chaque fois que si ça ne va pas, dites Seigneur, ça ne va pas. Ne dites pas que frère Dieu est au contrôle. Ne dites pas qu'il est sur le trône. Vous ne faites que dire ce que la Bible dit. Il est sur, la Bible dit que même quand le déluge se passait, il était sur son trône. Ça n'a pas empêché que le déluge se passe sur la terre. Le problème maintenant, c'est qu'il est sur son trône. Quelle est ta situation devant lui? Est-ce que tu es allé là-bas? On ne peut pas croiser la main, rester tranquille, bras croisés en disant qu'il est sur son trône, il sera sur son trône, un jour va se lever. Et quand il va se lever, ça sera terminé. Ok, il va mordre là. Bébé, laisse. On avance là. Verset 28, il dit encore. Vous avez vu ça? Premier point, l'ange lui dit, quel est ton nom? Il dit, Jacob est mon nom. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ce sera Israël. Donc quelqu'un qui est dissipataire au prince de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est de l'état de bandit, maintenant il est caché en Dieu. Et si maintenant il est caché en Dieu, la Bible déclare que si tu es Dieu avec nous, qui sera contre nous. Vous voyez ça, frère? Donc il dit encore, verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom ne sera plus supplanteur. Ça sera maintenant le prince de Dieu. C'est-à-dire que maintenant tu quittes le royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Maintenant, tu quittes le royaume où Satan te persécutait, caché maintenant en Christ. Et par conséquent, si Christ est pour toi, tu as la victoire. Vous me suivez, frère? Regardez ici. Verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Donc, tu as lutté avec Dieu, tu as gagné. Il a même boxé Dieu. Ça, Dieu a dit que tu laisses-moi partir. Il a dit que gagne. Tu ne te laisses pas. Il a été vainqueur avec les hommes. Vous voyez ça, frère. Vous allez voir un grand homme, un député, qui va se mettre à courir derrière une petite fille comme ça, à cause des choses qui sont dans son cœur, la cupidité, l'adultère. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un député, il a l'humilité parlementaire où on ne peut pas le toucher. Mais le péché l'a vaincu. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur, mais tu n'as pas pu vaincre ton propre nom. La nature est en toi, tu n'as pas pu vaincre. C'est pour ça qu'il change ça en Israël. Oui, je suis un gendarme, j'ai le fusil, si tu me tends, je vais t'enfermer. Mais il est assujetti à la cigarette. Une petite cigarette comme ça, cette envie-là vient sur lui, il va se lever à minuit pour aller chercher la cigarette avec 10 francs. Qu'est-ce qui se passe? Il peut vaincre les bandits, attraper les grands bandits. Le petit péché de la cigarette l'a fini. Son pistolet ne peut rien faire contre cela. Je suis magistrat hors hiérarchie, magistrat hors échelon. Je condamne les juges, je juge les bandits. Je veux juger le président de la République. Il est dans son bureau. Il a le film pornographique. La masturbation l'a vaincu. Il ne peut absolument rien contre cela. La masturbation l'a vaincu. Donc malgré qu'il fait la magistrature, la pornographie l'a eu. Il faut la puissance du Saint-Esprit pour cela. Vous suivez ça? Je suis un directeur d'école, j'ai créé les écoles publiques, je suis tel un bienfaiteur, j'enseigne à l'école publique. Mais il est comme ça, une vieille maman lui a donné la nourriture, le charme, ça a pris de l'emprise sur lui, il commence à aimer les femmes âgées. L'adultère entre dans sa vie. Malgré qu'il peut enseigner les grands mystères de Dieu, mais il vit dans l'adultère. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut la puissance du Saint-Esprit. Donc il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais ce sera désormais Israël. Pourquoi? Toi tu as lutté avec Dieu, tu as été vainqueur, avec les hommes tu as été vainqueur. Ton simple nom, tu n'as pas pu vaincre. Dans Jacques, donc au chapitre 1, alors dans l'autre chapitre, dans l'autre livre. Dans Jacques, donc chapitre 1, la Bible parle donc de cette épreuve de la foi, dans les épreuves. Il dit que c'est l'épreuve de notre foi, il faut que ça ait sa place en nous. C'est ça, n'est-ce pas? Que le but de cette épreuve de la foi, c'est que ça produit en nous quoi? La patience. N'est-ce pas? Donc dans la patience, Souvenons-nous, tout handicap, toute faiblesse en nous qui nous donne à vivre dans cette épreuve de la foi, sachez que nous allons courir derrière cela avec persévérance jusqu'à ce que ça soit fermé, jusqu'à ce que ça soit résolu. Vous suivez? Et vous êtes retenu pour longtemps. Désormais, chaque férié qu'il y a, s'il y a un férié qu'il doit avoir, il dit chaque s'il y a chaque férié. Dites ça ici au niveau de l'Assemblée, que tel jour il y a férié pour qu'on s'entende, pour qu'on vienne en journée, on a le temps de travailler, on prend des pauses, on travaille dans les écritures, qu'on entre bien là-dedans. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Donc chaque férié, s'il y a des fériés qu'il y a devant nous, dites il y a tel férié. Comme ça on vient, on s'assoit, on parle, on partage, on prie. Et que s'il y a le temps qu'on va passer dans la prière, qu'on passe le temps dans la prière. Il faut qu'on vous entraîne à genoux. Il faut qu'on s'entraîne à genoux. Vous avez moi? Maintenant, finissons donc avec le livre de Romains chapitre 8. Merci de d'avoir patienté à ce que je parle jusqu'à presque 2 heures maintenant. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez vous sortir ici avec cette pensée de je suis au milieu d'un peuple païen. Je suis au milieu d'un peuple impur. Je suis au milieu d'un peuple avec des états de sorcellerie, des mauvaises actions. Je vois à la télévision des choses qui ne doivent pas être vues. J'entends dans l'autarcie, dans tout ce que je vois, la publicité dans les rues, je vois ces choses-là. Posez-vous toujours cette question-ci. Est-ce que mon âme rejette cela? Si vous vous accommodez avec ça, ça se trouve que vous êtes complice. Vous êtes un adultère, un pédophile, un homosexuel caché, inné. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens homosexuels à l'intérieur. C'est-à-dire homosexuels, ils n'ont pas non pratiquants, mais ils se ressentent des tendances d'attirance, fille avec fille, homme avec homme, à l'intérieur. Pourquoi? Ça a été injecté. Et le fait que c'est à l'intérieur et que les gens ne peuvent pas s'en séparer, ont poussé les hommes et les médecins à conclure que c'est pathologique, que quelqu'un peut naître comme ça. Et la Bible déclare que ce sont les esprits qui sont derrière. Parce que l'esprit entre dans la personne de telle sorte que la personne croit que c'est sa volonté qu'il a de faire, alors que c'est la volonté d'un esprit qui a de pousser. Le jour où les médecins vont admettre que la Bible est le diagnostic, peut faire le diagnostic de l'âme et de l'esprit, donc leur appareil ne peut pas faire, ils vont avancer d'un cran dans la médecine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le jour où ils vont admettre que cet appareil que j'ai devant moi, la Bible, fait le diagnostic de l'âme, de l'esprit, et que dans ce diagnostic, si c'est lui seul qui peut administrer le bon traitement à cette âme et à cet esprit, ils vont faire un cran dans la médecine. On avance ici dans ce roman chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui vivent, qui marchent non seulement la chair, mais selon l'esprit. Ah, vous ouvrez maintenant, il dit depuis que vous ouvrez le roman chapitre 8, non? Non, j'ai là cité Jean, j'ai dans la traversée là-dessus. J'ai parlé d'abord de l'épreuve d'autrefois. J'ai dit, les faiblesses qui sont en nous, qui nous conduisent dans l'épreuve d'autrefois, si nous prions pour que ça cesse, prions avec patience. C'est ce qui est présenté au chapitre 1 là-bas. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Romains chapitre 8 maintenant. Souvenez-vous toujours, vous avez commis un péché, c'est très grave devant Dieu, mais la solution est en Dieu. Souvenez toujours, vous avez eu à commettre des péchés et vous vivez dans le péché. Dieu n'aime pas cet état de péché. Il a dit dans Proverbe chapitre 5, dans Psaume chapitre 5, il dit que je hais ceux qui commettent l'iniquité. À cause de cela, tu mérites d'être disgracié devant de lui. La communion est disjonctée, est coupée. Mais la solution se trouve en celui auquel ta communion a été coupée. Donc, si tu as une faiblesse qui te pousse à aller au péché, ne fuis pas Dieu, cours vers lui. Va vers lui pour la solution afin qu'il rétablisse là. Parce que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Donc tu ne peux pas fuir Dieu qui sanctifie en disant que j'ai le péché et finalement qu'il doit sanctifier. C'est une bêtise qu'il dit que je fuis Dieu parce que j'ai péché contre lui. Non. Le jour où le fils prodigue est revenu vers son père, il l'a rejeté. Il a pris l'anneau, il a apporté l'anneau à mes pour montrer que rétablissez-le dans son autorité. L'anneau, le symbole de l'autorité. Changez son vêtement pour dire que son péché est pardonné. Mettez le vêtement pour dire que c'est il est justifié. Rétablissez-le dans son autorité. Donc il reprend son autorité de fils. C'était un fils délinquant, maintenant il est fils tout simplement. On a fait un délinquant là-dessus. Quand nous péchons, on fait quoi, frère? Ah, quand nous péchons, on fait quoi? Si nous avons les faiblesses, on fait comment? Il n'entend pas, ou bien certaines personnes ne veulent pas retourner. Si nous avons des faiblesses, on fait quoi? Si la rue qu'on a péché, on fait quoi? Et si nous prions, nous tombons encore, on fait comment? Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. C'est en ce sens que le Saint-Esprit a dit dans ces Hébreux chapitre 12 qu'on veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que tous les genoux, les pieds qui fléchissaient un peu ça et là, que ça soit redressé. Il sait. Il dit que, qu'on ne s'enduise dans la séduction du péché. Dans ces Hébreux chapitre 3. D'accord? On ne doit pas s'enduire dans la séduction du péché. Donc tu pêches, quel est l'état de ton cœur? Lorsque tu es dans un bon plan avec Dieu, lorsque tu es en bon terme avec Dieu, quand tu fais le péché, tu commets le péché d'une façon ou d'une autre, l'irritation et le trouble à l'intérieur, donc quand tu n'es pas en paix, c'est ça qui montre clairement que Dieu est en train de t'indiquer que tu reviens rapidement. Il va encore redire ça pour que ça soit un peu plus clair. Lorsque tu vis dans le péché, que tu es dans le péché, tu as glissé dans le péché, la paix intérieure est troublée. La paix intérieure est troublée au point où tu peux ne pas manger à cause de cela. Parce que tu ne peux pas être tranquille. Mais gare à vous, si vous commettez le péché et que vous êtes insensible, c'est un état terrible. C'est un état terrible. Ça suppose que votre cœur est congelé à la voix du Saint-Esprit. Il vous faut maintenant garder jeûne et prière dans ce domaine-là pour dissoudre cela. Vous me suivez? Ok. Je recommence encore ce que j'ai dit. Si vous commettez le péché, et que ça ne semble pas vous déranger, vous avez un sérieux problème avec votre cœur. Vous savez, quand on met le maïs, on met le cacao dans le café dans le sac, quand c'est mûr, c'est sec là, on appuie, on met le bâton, on fait fa pour que ça entre bien, c'est solide. Lorsque vous versez le café, tout simplement, vous pouvez toucher au bord, vous voyez comment c'est mou. Mais après qu'on ait fait cela, quand vous tâtez à côté, vous sentez que c'est dur. Votre cœur est devenu comme ça. Il va falloir qu'on fasse autrement pour que ça se décongèle. Il faut passer par d'ardeur, jeûne et prière dans cet état-ci. Pour que vous soyez sensible, pour que le cœur s'attendrisse. Et ces jeûnes et prières, c'est uniquement dans la repentance. Mais si vous êtes dans le péché, que vous sentez que vous êtes mal à l'aise chaque fois, Dieu ne vous indique que courez rapidement. Père, j'ai péché contre toi, je te l'enseigne que je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Mais c'est auprès de toi la miséricorde, c'est auprès de toi la solution. Je viens à toi la solution. Et prie, Père, que tu me pardonnes, que tu me sanctifies. Quand tu vas te lever là-bas, de ces genoux-là, ta communion est rétablie. Avance seulement. Souvenez-vous, je n'ai pas dit que dans ta pensée, tu vas oublier que tu as péché. Parce que Satan va venir dans tes pensées. Tu crois vraiment qu'il a écouté? Tu crois vraiment qu'il suffit de parler? Il suffit de dire ce que tu as dit là et que tu es pardonné? Oui, c'est ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous avez vu là où ça se trouve, n'est-ce pas? La solution du péché, c'est se trouve en Jésus-Christ. Il y a une loi en Jésus-Christ. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Vous avez vu ça? Comment il l'a condamné? En envoyant à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, autrement dit, notre nature de la chair déjà est péché. Dieu a dû faire prendre une chair semblable comme le nôtre pour prendre ce péché-là, aller clouer à la croix pour mourir. Parce que la chair que nous avons doit mourir pour répondre au péché qu'elle commet. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. C'est la mort. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fut accompli en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'es. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Vous avez vu ce qu'il dit tout à l'heure? Lorsque vous écoutez les musiques qui sont à côté, vous écoutez ces conversations là-bas, est-ce que il y a une colère qui s'élève en vous contre cela? Est-ce que votre âme est tourmentée par ces conduites criminelles? Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on voit? Il y a une image que j'observe et que j'observe toujours. J'étais dans le sud-ouest quand j'étais petit. J'ai observé un pasteur qui était venu chez un de ses frères. Ils étaient dans la dénomination qu'on appelle Full Gospel. C'est un pasteur. L'image vient de m'arriver là maintenant. J'ai m'asseyé là-bas, j'étais petit. Il y a eu le pasteur qui veut venir rendre visite à son fidèle. Le fidèle avait mis la télévision. Vous savez, c'est ces mesures-là où les gens font les fesses derrière comme ça. Vous savez, on danse. Les filles montent toujours les fesses. On zoome leur caméra, tout ça. Je me souviens bien de cette image. Le pasteur s'est levé devant le fidèle, allait éteindre ce que, what is this? Il a parlé en anglais. What garbage is this? Le chrétien de la maison, ça ne dérangeait pas. Il se tournait, regarde les fesses, il regarde le pasteur. Que Dieu bénisse cet homme, ce pasteur-ci. Mais où, que sont-ils devenus aujourd'hui? Là est la question. La sainteté. Vous voyez, quand vous admettez une chose, vous dites non, il n'y a pas de mal à cela, Satan au monde. Il n'a pas besoin de te jeter le péché à la figure. Non. Il vient avec une petite compromission. Non. Si on prie sans mettre le foulard, où est le problème? La prochaine fois, il y a la désobéissance à son mari. La prochaine fois, il commence à parler fort à son mari. Où est-ce que c'est venu? Le fait qu'il ne se soumet pas au Seigneur par l'obéissance à la parole. Donc, s'il ne se soumet pas à l'obéissance à la parole, il ne peut pas se soumettre à son mari. C'est ainsi dit la Bible. Parce que pour elle, le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord son mari. Qu'est-ce que la Bible dit? Pas vrai? Pour elle, le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord son mari. Donc, quand on commence à se compromettre sur une vérité, on va avancer. Quand on commence, c'est là qui a entraîné toutes les déminations que tu vois là. Parce qu'on a dit que non, ici, c'est pas mauvais. Ici, c'est pas mauvais. Vous pensez que Dieu va être indigent. Il a envoyé ça du ciel, que ça s'écrit dans la Bible pour rien. Pour nos beaux yeux. On est devenu maintenant, on est arrivé au niveau où on sait ce que Dieu va vouloir dire ces jours-là. Et les choses ne veut pas dire. Les choses ne veut pas considérer ou les choses ne veut pas considérer. Quand ça nous arrive, on dit que ça ne contribue pas au salut. Pour dire quoi? Qu'on peut déchirer ça dans la Bible. Pas vrai, c'est ça, n'est-ce pas, frère? Faisons attention. Toute la pièce de la maison est importante. Toute la pièce de la maison est importante. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je veux que vous preniez ce verset et que vous vous souvenez de ce qu'il dit ici, que le cœur ne peut pas être neutre. Il doit être entretenu. Question. Par quoi ton cœur s'entretient-il? Dit la Bible. C'est-à-dire que tu passes ton cœur passe sa méditation. Qu'est-ce qu'il entend le plus? Le cœur regarde quoi le plus? Le cœur entend quoi le plus? Prenez ce verset, le chapitre du verset 5, si vérifiez cela avec votre vie et voyez où vous en êtes pour voir ce que vous avez mis en vous. Et souvenez-vous, comme la méditation, la parole, esprit entre dans nos cœurs, dans notre âme par la méditation, ainsi en est-il des choses du monde.